Et tous les jeux de baston dégueulasses. Ah, les Versus, ah ouais. Après Street 2, dont... Body Blows. Hein. Voilà. Les jeux de baston dégueulasses. Ça, faudra vraiment en parler parce que... Ouais, putain, il y en a... Ninja ! Ouais, il y en a beaucoup, donc... Mais il y en avait un sur Amiga aussi qui s'appelait Elf... Elf Mania, ou je sais pas. Qui si, peut-être, qui ouais. était tout bizarre, c'était des gros sprites. Celui Team 17 avec des Shaolin, c'était quoi? Ah, bah c'était... c'était Full Contact. C'était, oui, ouais. C'était avant Body Blows, ça. Oh. Ah ouais. Alors qu'en fait, un Ika Plus, c'était vachement mieux. Ouais, c'est clair, putain. Alors, bon, moi, j'enregistre... Hop... T'enregistres, ça? Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi délicieux que cruel. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storyburn Games, studio fondé par le deuxième bro, Julien alias Forza Pedro sur le réseau social, où je viens d'ailleurs de voir une photo de l'anniversaire de Lynn Renault avec Emmanuel Macron à ses côtés, c'est assez perturbant. Salut Juju, comment ça va? Salut, ça va. Oui, non mais c'est véridique, je viens de le voir, donc c'est assez Macron. D'accord. L'anniversaire de Lynn Renault avec Johnny Hallyday et tout, c'est... j'ai envie de m'en faire un fond d'écran tellement ça me donne envie de chialer. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est la beauté à l'état pur. Ouais. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va, pour rien de spécial. C'est l'été. Hâte d'enregistrer. Ouais, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Non, ça sent pas bon le sable chaud parce qu'on n'est pas au bord de la plage. Ça sent la sueur, surtout. Voilà, ça sent surtout la sueur et l'invasion moustique. Hier, j'ai voulu faire une balade en forêt avec Kelly et le petit. Mais impossible, on est resté à tout péter, on est resté sans déconner, il fallait 4-5 minutes. On a rebroussé le chemin rapidement parce que il y avait des moustiques gros comme ma main qui étaient sur la gueule du petit, qui arrêtaient pas de nous piquer. Et en fait, là, je suis piqué de partout, les avant-bras, les mains. En l'espace de 5 minutes, on s'est fait bouffer. Ils nous ont suivi jusqu'à dans la voiture, pour te dire. Quand on est rentré, on s'est dit, ouf, ça va, ils se sont barrés, il n'y a plus de moustiques dans la bagnole. J'ai ouvert le coffre, ils étaient tous collés en fait à l'arrière. J'ai ouvert le coffre, il y a genre 15 moustiques qui sont sortis. Vous ressemblez, quand vous êtes rentré, vous devez ressembler à la famille framboise, tu sais. Oui, voilà, les trois framboises qui rentrent. On avait des couilles partout sur la tronche. Non, sérieux, c'est... Bah moi, j'ai pas de chance avec les insectes cet été aussi, puisque là, il y a eu le pique-nique la semaine dernière de... un peu d'adieu donc à la maternelle là, d'école ouais. d'Axel. Du coup, je l'accompagnais, t'es super content. Ça se passait vachement bien, on mangeait tous, les parents, les enfants, tout ça. Et à un moment donné, je suis un truc me tomber sur la tête. Mais tu sais, moi, je suis un vrai Pierre Richard là-dessus, ça n'arrive qu'à moi. C'est-à-dire, ça, autour de la table, je sais pas combien on était, peut-être 20-30, tu vois. Ça devait m'arriver qu'à moi, quoi. Je sens un truc, mais comme un poids qui me tombe sur la tête. Je donne un coup de main dessus, ça tombe ouais. dans mon cou, et direct, je sens un truc qui se plante, tu vois. Ouais, donc, super. Je fais tomber, je vois une méga grosse guêpe par terre, putain. Je gratte où ça m'avait piqué, je vois une sorte de bout d'or qui bouge au bout de mon bras, et putain, qu'est-ce que ça m'a fait mal, mais je suis pas douillet pourtant, mais bah oui, ça, pique. Ça m'a fait mal jusque dans l'épaule, ça faisait super mal, donc j'ai été prendre un truc chez le pharmacien, une sorte de truc avec une petite bille au bout pour... voilà, pour soulager, et puis bon, après, voilà, la douleur est partie. Mais j'ai passé tout le repas, tu vois, ça va. Oui, en fait, ça va. Les insectes, ils sont super vénères en ce moment. Bon, là, c'est vraiment grosse parenthèse hors jeu vidéo. C'est que comme il fait un temps de merde, t'as l'impression d'être en Pologne là, depuis ces derniers jours. Il fait gris, tout est gris, tu vois. T'as l'impression que la France est en noir et blanc, tu vois, ces derniers jours. Et puis tout d'un coup, on passe de 20 degrés à 30 degrés. Avec des grosses chaleurs, donc les moustiques, les guêpes, ils sont tous en mode gros vénère, genre oh, putain, tu sens qu'ils ont faim, quoi, tu vois, donc... ils ont la dalle. Ouais, ils ont la dalle, donc tu peux pas te balader dans ton jardin, il y a des fourmis partout, tous les insectes, ils sont énormes. C'est des grosses vaches, tu vois. On aurait dit l'insecte dans Apidia, tu sais, avec un dard de malade. Enfin, chez nous, là, on a carrément eu un frelon énorme, le truc, c'était un Golgoth dans notre chambre, là... L'autre jour, j'ai mis 2-3 coups de godasse dessus, on avait rien à foutre. Enfin, c'est. Non, moi je suis le champion parce que j'ai retrouvé des serpents dans mon jardin, donc je suis quand même le champion. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu la photo. Ouais, ouais. T'es sûr que c'est pas un Norvège ? Ouais, je pense que c'est ça. Bah, j'ai pas eu le temps de bien voir parce qu'en fait j'ai pris la photo. Ouais. Et après, le temps de me retourner et de regarder à nouveau, il était rentré dans sa chambre. Parce que les Orvets, c'est un mort pas, hein, je crois pas. Hein. Non, mais du coup, c'était. Ouais, non, c'est pas. Bah, j'ai pas spécialement une peur des reptiles. Moi, c'est plus avec les années, les rongeurs qui me. Voilà, qui me font. Voilà, donc, bienvenue dans 30 millions d'amis. Voilà. Bon, alors, on va parler de nos plants de tomates dans nos jardins. Alors, comment vont tes tomates, Bruno ? Cette émission vous est présentée par Truffaut et Gamme Vert. Alors, je conseille toujours pour la taille des rosiers. Enfin, de toute façon, c'est trop tard, fallait s'y prendre il y a quelques mois déjà. Alors, surtout pour traiter l'épaisseur. Alors, du vinaigre blanc. Uriner sur vos plants de tomates. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est pas la boisson et l'état d'ivresse. On va donc parler de nos souvenirs. Alors, on va faire un épisode vraiment souvenir. Bon, les anecdotes et les souvenirs, c'est déjà un peu dans l'ADN de l'émission. C'est pour ça qu'on a voulu, pour ceux qui ne connaissent pas encore Brocast, hein, c'est vraiment, on vous invite à vous asseoir à notre table virtuelle. Voilà, comme si vous écoutiez des potes par les jeux vidéo, chez vous ou dans votre bar favori, etc. Et c'est vrai qu'on aime bien le côté anecdote. Moi, je sais que j'adore lire ou écouter ce genre de propos. Et là, du coup, on s'est dit, c'est l'été. Donc, on a fait un raccourci hyper intellectuel qui nous a demandé des heures de brainstorming. Et on s'est dit, tiens, si on parlait de certains souvenirs, mais vraiment des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce type d'anecdote, c'est surtout ça te rappelle des jeux auxquels peut-être t'as envie de rejouer, tu sais, tu t'en souvenais plus, ou voir des trucs que t'as zappé, peut-être des jeux que t'as zappé carrément. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que je pense aussi que les souvenirs liés... Donc là, bien évidemment, vous doutez qu'on parle des souvenirs d'été, hein, vu que c'est l'été. ça façonne aussi ta passion pour le jeu vidéo et le contexte durant lequel t'as découvert certains jeux. C'est hyper intéressant, en fait, dans la manière dont tu appréhendes peut-être ce jeu-là, ce style, une époque, une machine, peut-être. Enfin, je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je suis très friand d'anecdotes. Là, on s'est dit, bah allez, ça va être notre tour. Sur nos anecdotes donc d'été, jeux vidéo qui ont marqué nos étés quand nous étions enfants. Donc voilà, on s'est fait une petite liste, mais vraiment très très rapidement, parce qu'on voulait que ça vienne naturellement, de souvenirs qui nous ont marqués. Alors, ils y sont pas tous. Il y a peut-être des trucs qui vont nous revenir sur le coup, même pendant le podcast. Aussi, voilà, et puis si après l'émission on se dit, oh putain, mais attends, on a oublié ce putain de gros morceau, tout ça, bah ça, on pourra en reparler l'été prochain. Quand le podcast fera des milliers, voire des millions de téléchargements. Voilà, donc en fait, il y a un premier truc dont on aimerait évoquer, Juju, je te laisse commencer à en parler. Que c'est vrai que nos familles, qui vient d'une famille différente, qui était adoptée. En fait, je viens de Namek, il faut que je vous le dise. On est issu d'une famille italienne et du coup on passait quasiment la totalité de nos vacances d'été en Italie, quoi. Puis voilà dans la maison familiale là-bas. Au bled. De la grand-maman. Ouais, au bled, comme on dit. Et du coup, des blédards. Et du coup, nos premiers. En fait, je pense que c'est ces vacances qui nous ont vraiment donné nos premières découvertes, même si on en avait vu déjà en France, dans des fêtes foraines, dans des bars. Mais vraiment, notre amour de l'arcade est vraiment né en Italie. C'était vachement plus développé. Et c'est là qu'on a découvert nos premiers jeux cultes d'arcade. Non, mais même, c'était plus développé en Italie. Hein. Ah oui, de toute façon... C'est incomparable par rapport à... N'importe quelle barre de province, t'avais 15 bandes d'arcade. Super belles bornes et des jeux hyper récents en plus. Des grands classiques ou des jeux récents. J'aimerais commencer par un titre en fait qui nous a vraiment vraiment marqué, qui est donc Final Fight, donc qu'on ne présente plus le beat. Alors, beats et mauls, hein, ça c'est le terme n'est pas exact puisque ça c'est un terme inventé par la presse française. On va parler plus de beats et mop. Donc, un jeu de bagarre multi. C'est la bagarre. Multi-ennemi, multi-bagarre. Ouais. Donc Final Fight de Capcom, bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de le présenter ? Non, on va pas le présenter. Il a modernisé le genre comme l'avait fait en son temps Double Dragon. Et ouais, c'est vrai que Final Fight, c'est vraiment le début de l'ère moderne, hein, du beat'em up, vraiment. Ouais. Ces sprites énormes, ces super couleurs, ce feeling quand tu fous des patates qui était du jamais vu, quoi. T'avais vraiment l'impression que tu donnais les coups de poing toi-même, quoi. Les voix digit. La beauté des décors, les persos charismatiques. Taille, la taille des sprites, putain. Bah, c'était l'époque où Capcom, vraiment, c'est l'âge d'or de Capcom qui était déjà bien entamé, mais on était en plein âge d'or de Capcom en arcade et beaucoup d'analystes, même japonais, disaient à l'époque qu'ils avaient les meilleurs graphistes, quoi, en arcade. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Et donc, Final Fight, pour l'anecdote, on l'a découvert dans une petite station qui était pas loin de la plage où on devait se rendre régulièrement avec nos parents. Et Dieu sait qu'on aime la plage. Mais... Ah ouais, non, mais là c'était mort. Mais avec Final Fight. Ah non, non, non, quand... attends, t'avais une borne. Je crois que c'est en allant acheter des glaces ou un truc comme ça. Moi j'ai souvenir que c'était sur le chemin, c'est-à-dire qu'on passait par la borne avant, parce qu'on faisait chier nos parents, genre. Oh, on veut faire une partie. Bon, alors je sais pas combien de pièces on avait, mais on faisait. Non, mais une ça partie. Coûtait rien, ça coûtait quoi trop. 100 lire, je crois, à l'époque. Je pense, ouais. Et 100 lire ou 300 lire, je sais plus. Et du coup, quand la partie était finie, limite, on était deck d'aller à la plage. Ouais. Parce que le jeu, ingrats, quoi, dans le contexte de l'époque, le jeu, mais c'était le turfu, quoi. C'était le futur, il était tellement beau. Je me souviens, les gens étaient même autour. Hein. T'avais des gens autour qui... les gens se regardaient jouer mutuellement. Tu sais, tu finissais ta partie, tu allais derrière, après, le mec qui jouait, et vice-versa. Généralement, on voyait pas plus loin que le métro là, parce qu'on crevait, tout le monde crevait avant. Ah bah oui, c'était fait court en même temps. De toute façon, le peu de personnes. Y a pas que moi qui bafouille, ça me rassure. Putain, en plus j'ai des saloperies dans la gorge, j'ai un morceau de route, tu sais, dans l'œsophage. En plus, le peu de personnes, tu sais, qui arrivaient à aller loin, ils arrivaient généralement vers. Tu sais, quand tu combats Sodome, là. C'est ce que j'allais dire. Le coin où t'es obligé de perdre. tout le monde crevait. Le ici, coin à pièce. Façon... Ah, non, mais il était cheaté. Bah, c'est là que tu voyais ceux qui étaient friqués. C'est ceux qui allaient plus loin que Sodome, en fait. Parce que... Ah oui, parce que de toute façon, ils crevaient quand même, mais ils mettaient des pièces. Mais ils crevaient, hein, de toute façon. Ah, mais c'est obligé. C'est obligé. Non, tu peux pas. En fait, tu sais, c'était les gimmicks que t'avais à l'époque en arcade. C'est la phase où, de toute manière, le jeu te défonce. Quoi que tu fasses, tu te fais péter la gueule. À part si t'es riche, ou à part si t'as même carrément le jeu chez toi et que tu vois les bugs, etc., tu vois, pour contourner un peu la routine du boss. Mais de toute façon, il y a un truc qui fait que t'es obligé de te le prendre dans la gueule, c'est que dès qu'il est à terre, il te rush. Tu te souviens, il se relève. Ouais. Il te rush tout de suite et il te fait perdre genre 20% de barre. Donc de toute façon, c'est fait pour mettre des pièces. C'est le boss à pièces. D'ailleurs, ouais. Je sais pas toi, mais moi, j'ai. Parce que moi, bon. Pour l'anecdote, on en parlait dans un des précédents épisodes, j'ai une borne. L'un des premiers jeux que j'ai lancé sur ma borne, c'était symbolique, parce que je me dis, là, je l'ai chez moi. Donc l'un des premiers que j'ai relancé sur ma borne, c'était Final Fight, bien sûr. C'est vrai qu'il fait partie des porte-étendards de l'arcade. Ah fait, ouais. C'est vraiment un jeu culte. Hein. Et arrivé à Sodome, je me suis fait... Mais massacré, bon, sauf que là, voilà, je sur le bouton poussoir à crédit, là, j'ai pas besoin de mettre deux pièces, mais j'ai dû utiliser au moins 5-6 crédits, et encore, je suis peut-être gentil, pour passer, quoi. Vraiment, il est hallucinant, ce boss. Le pire, c'est que même les boss après sont plus faciles, quoi. Peut-être hormis le boss de fin, à la limite. Oui, c'est vrai. Mais même, tu sais, le catcheur blanc, là, super moche, tout ça, même eux, ils sont plus simples. Et lui, c'est vraiment celui qui te défonce, quoi. Et t'as un deuxième spot aussi, je trouve, qui fait exprès en fait pour mettre des pièces. D'ailleurs, c'était un des niveaux qui était absent de la très bonne conversion Super Famicom, hein, qui était vraiment bien. Alors qui était juste, qui était quand même un tour en dessous de la version arcade. Mais c'est vrai que pour l'époque, on avait l'illusion de l'arcade perfect, pardon. Ouais. Parce que c'est vrai que pour un jeu console, ça envoyait du très lourd. Ouais. Enfin, c'est vrai que quand tu compares moins les deux versions, tu vois que la version arcade est quand même au-dessus visuellement, mais donc ça fait partie de ce... C'est un niveau qui n'est pas dans la version Super Famicom. C'est le niveau de l'usine avec toutes les flammes. Ah ouais, le feu là. Ouais. Et ça, C'est, alors oui, c'est sûrement du par cœur, effectivement, mais même encore, moi, quand j'y rejoue, ce niveau-là, mais je crame 15 000 fois, quoi, là-dedans. Elle est dans la version Mega CD, je crois. Non. Ah, c'est fort probable. Ouais, je crois que... Et dans Final... Pas dans Final Fight Guy, aussi. Je crois qu'il est dans le niveau, ils l'ont fait dans Final Fight Guy, il me semble. Oui, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais dans la version Super Famicom, t'avais même pas Guy, quoi. Non, en fait, tu pouvais pas jouer à deux, et t'avais que Guy et Agar. Mais faut dire que c'était tellement... La conversion paraissait tellement quasiment parfaite. Ouais, à l'époque, pas trop compte, moi je sais que sur Super Famicom, je l'ai adoré. Le fait qu'on puisse pas jouer à deux, tout ça, bon, bah, c'était tellement beau, quoi, que voilà. Mais du coup, il y avait quand même un. Enfin, il y a un monde, quoi, entre les deux versions. Hein. Ah oui. Quand vraiment tu le pratiques en arcade, ou même chez vous, ceux qui écoutent, vous le lancez en ému, bon, vous comparez les deux versions, ça se voit effectivement. Mais sur console, Final Fight, quand il est sorti, ça faisait partie des. Enfin, de ce que tu pouvais, de ce qui se rapprocherait à la limite le plus, tu vois, de l'arcade, mais chez toi. Quand tu regardes les premiers jeux de la, alors je parle pas du line-up de lancement, mais je parle de la première vague de jeux Super Famicom. Ouais. Quand même, quand t'avais un Final Fight ou un Super Goose & Ghost, qui lui, bon, a été créé spécifiquement pour la console, mais visuellement, la console tout de suite a eu des titres très forts visuellement. Et c'est vrai, ça faisait arcade, quoi. Ça faisait arcade. Ouais. Donc, Final Fight, ouais, gros souvenir. Vraiment. Alors, je sais pas jusqu'où on a été. Peut-être jusqu'à Sodom, peut-être, à l'époque. Mais, Moi, je me souviens... Ouais, je me souviens qu'à Sodom, on perdait... En tout cas, je me souviens que j'arrivais pas à aller après. Est-ce que c'était moi qui jouais ou est-ce que je regardais un mec, tu vois. Jouer, je me souviens pas. Mais en arcade, j'avais pas vu après quand j'étais petit, je me souviens. Mais il y a des souvenirs de ce jeu. Parce que le sprite était énorme de Sodom aussi en arcade. Donc si, je me souviens, je l'ai vu. Mais alors, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un autre gars? Mais ça, je crois que c'est vraiment le premier. Le, pour finir peut-être sur Final Fight, c'était vraiment l'alliance parfaite d'un jeu visuellement très impressionnant. Les sprites étaient énormes. Rien que le premier boss qui siffle, qui appelle ses potes et tout. Je veux dire, t'as l'impression que ça fait quasiment tout l'écran, quoi. Les mecs, c'est super impressionnant. Il y avait une patate. Moi, je sais que mon perso préféré a toujours été Cody, parce que je trouve que quand j'ai rarement vu dans un jeu vidéo, y compris encore aujourd'hui, hein, un tel feedback quand il faut des patates. C'est hyper hyper bien fichu. Ouais, c'est clair. Et enfin bon, voilà, c'est les musiques sont parfaites. Alors il y a qu'en ça que la version Super Famicom. Et au-dessus, c'est au niveau des musiques, parce qu'elle a réorchestré de manière encore plus efficace les thèmes. Oui, parce que c'est le processeur sonore que tu as pour EOC, même Goose & Ghost, Magic Sword, je crois, c'est ça, je ne me souviens plus. Enfin, bref, c'est des CPS, je ne sais plus combien. Oui, je m'emmène les pinceaux sur les terminaisons des cartes 3, Capcom, 2, mais voilà. Truc, donc c'était le même chip sonore, effectivement, c'était on le reconnaît bien. Et que Street aussi. Que Street 2, et du coup, c'est pour ça que les musiques sur Super NES, au niveau de l'échantillonnage, est quand même. Même sur Street 2, les musiques sont. Les versions, la version sont Super mieux, NES est meilleure, ouais. Par contre, visuellement, effectivement, tu vois que la version arcade est bien au-dessus. Ah, donc voilà, ça c'était notre premier souvenir de ce chapitre arcade. Je vais peut-être laisser parler d'un autre. Après, j'aimerais parler d'un certain ninja. Pong, rappelle-toi Pong. Ouais, alors putain. Oh. Ah bah c'est pareil, c'est le. Alors je sais plus dans quel bar c'était. Bah alors on l'a découvert dans un café. Donc encore une fois, en Italie, nos parents allaient se prendre un petit café. C'était pas celui qu'on fréquentait le plus. Je me souviens que c'est celui. Avec les petits escaliers là. Exactement. Et c'est là où il y avait Thunder Fox dont on parlera plus tard. Ouais. Mais c'était celui-là. Il y avait Thunder Fox et il y avait Pong. Oh, oh putain. Alors en fait, on switchait entre les deux quoi. C'est vrai que on faisait Thunder Fox. On faisait Pong et il y avait tu sais les dessins à la Dragon Ball en plus et à l'époque on kiffait aussi Dragon Ball. Tu sais les persos ils font très Toriyama. Exactement. Oui, on dirait deux petits Goku en fait. Ouais et du coup c'est vrai que ça m'attirait particulièrement mais les grosses bulles là qui tombent. De toute façon j'ai toujours aimé les jeux comme ça un peu puzzle tu sais mi puzzle mi arcade. En fait on va pas tourner. Bah, le principe est simple, Pong, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on le rappelle. On peut je pense que les gens connaissent quand même. Bah, il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il y a des petits jeunes qui nous écoutent et on les salue. J'espère que vous avez vu votre bac, bande de feignasses. Mais Ouais, encore, il n'y a pas trop de mérite. Hein. Pas... Dit de quelqu'un qui ne l'a même pas passé, c'est assez drôle, mais... Non, j'ai eu mon bac de français avec brio avant d'arpenter les rues de la banlieue pour trouver du travail. Ouais. Bref, là, j'écris ma légende. Mais en fait, Pang, oui, donc c'est deux petits personnages. Donc oui, ça se présente vraiment comme un puzzle game, c'est-à-dire que c'est des tableaux fermés avec... Ouais. Un ou deux personnages, donc selon si on joue seul ou à deux, en bas de l'écran, et on tire, en fait, soit des espèces de cordes, de tiges ou des rayons, après, selon les options qu'on prend, ouais. pour tirer sur des bulles qui se dédoublent à chaque fois. Et qui se déplacent, en fait, elles n'arrêtent pas de rebondir. Qui se déplacent, voilà. Voilà, ouais. Il y a une petite physique, en fait, elles rebondissent au sol, et évidemment, si on se les prend dans la tronche, on crève. Sachant que c'est du one hit, hein. Un coup, t'es mort. C'est voilà, pas comme chou, mais quoi. C'est efficace. Je sais pas si t'as essayé le reboot qui a été non. fait j'attends qu'ils soient en solde là, par zut j'ai perdu le nom je suis désolé en plus c'est Pastagame en plus j'aime beaucoup ce qu'ils font en général j'ai peut-être un reproche à faire en fait sur ce je l'ai pas fait moi je l'ai acheté dès qu'il est sorti parce que pour l'anecdote en fait Axel donc mon fils adore Pang aussi je lui ai fait découvrir sur la bande d'arcade donc il adore et quand du coup le reboot est arrivé je dis tiens peut-être que tout seul je l'aurais pas acheté mais je me suis dit pour jouer avec Axel ça va être chouette c'est une nouvelle version tout ça machin avec plein de nouvelles options mais par contre je trouve qu'au niveau du curseur au niveau du niveau de difficulté ils l'ont mis enfin tu verras quand tu l'essaieras le jour où tu l'achèteras ils l'ont mis vraiment trop haut pour moi c'est déjà très très dur dès le début ce qui fait que Sachant que l'original c'est assez simple quand même au début le premier Pang hein, pas les autres pas Super Pang tout ça je parle vraiment du premier La courbe de progression est beaucoup plus sévère et du coup c'est dommage parce qu'ils ont amené plein d'idées vraiment sympas de bonus malus de mise en scène aussi les boss sont super rigolos tu te fais des boss à dos d'avion tout ça enfin dans les airs il y a pas mal de petites choses il y a une map qui est très sympa aussi visuellement c'est vraiment très réussi c'est très beau ce qu'ils ont fait musicalement aussi d'ailleurs mais par contre la frustration prend le pas au bout d'un moment dès le premier niveau peut-être pas le premier monde mais dès le deuxième monde on commençait sérieusement à galérer après c'est vrai que moi j'ai vu les vidéos aussi tu sais j'ai vu genre il y avait un GK Live dessus tout ça mais moi rien à faire vraiment le graphiquement le premier la version je sais pas genre PC Engine ou la version Amiga ou la version arcade, ça reste mes versions préférées. Le pixel art d'origine, quoi. Enfin, même si à l'époque, on appelait ça juste du pixel. Mais... Les persos d'origine, les musiques d'origine, je sais pas, même la gueule des bulles, je préfère la version originale. Moi. Je préfère. Bah, déjà parce que c'est. Visuellement. Visuellement, c'est vraiment. C'est de la nostalgie, sûrement. Bah, peut-être pas que. C'est-à-dire que c'est la version qu'on a découvert, c'est le rendu de l'époque. J'aime bien, tu sais, ce qu'ils faisaient à l'époque, t'avais ça beaucoup dans les jeux Taito et t'avais ça dans Puzzle Bubble 2, enfin à partir de Puzzle Bubble 2. Tu sais, c'est les décors en fait, t'as l'impression que c'est des photos. Ah, des photos digitalisées un petit peu. avec moins de palettes et puis c'est où tu sens que ça a été redessiné dessus ou dans Bubble Symphony aussi, c'est un peu comme ça. J'aime bien ce rendu. T'avais vachement ça aussi sur des. Parfois des écrans titres ou des écrans de loading sur Amiga, par exemple. Ouais, par exemple. Moi, j'aime bien le côté pixel art, design très jap en premier plan, très coloré, et l'arrière-plan un peu plus en retrait, tu sais, pas trop coloré. Très screen tone. Alors, screen tone, pour les graphistes, c'est vraiment la succession de... En fait, il y a très peu de couleurs, et la superposition est... On va dire les patterns des pixels font que ça fait des dégradés en fait, tu vois. C'est ce que SNK utilise beaucoup ça par exemple pour Metal Slug pour faire genre c'est super beau, il y a un milliard de couleurs et en fait, il y en a pas tant que ça, il y a peut-être 120. Mais t'as l'impression qu'il y en a un milliard tellement c'est bien fichu quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est une technique quoi de pixel art chez les pixel arteurs. Moi j'aime bien quoi. Moi je me souviens surtout qu'après putain quand on l'a vu en piraté là en disquette sur Amiga, ah la vache comment je l'ai dosé sur Amiga après. Ouais, surtout que alors par contre sur Amiga ça fait très longtemps que je l'ai pas relancé. Ah non, la conversion est bien. Mais elle la conversion est Ouais, les premiers souvenirs étaient assez bien, c'était très bonne. Tétho Océan pardon. Oui, d'ailleurs oui, je me... j'avais compris Océan aussi. Ouais, c'est un abus de langage vu que Océan faisait quasiment tous les Tétho sur Amiga, du coup j'ai inversé. Océan qui est parfois décrié pour certains jeux originaux. Qu'ils ont fait à l'époque sur micro, n'était pas toujours tout réussi. Par contre, en conversion de jeux d'arcade, c'était les tauliers sur Amiga. Hein, sur micro. Oui, oui. Même pas que sur Amiga, sur Atari, c'était pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur ST, Rainbow Island, il était excellent. Bah écoute, c'est quoi, je voulais parler de Shinobi, mais on va tout de suite, vu que là, ouais, on parle des cultes de Teto, on est en plein dedans. C'est que vraiment, moi, j'ai souvenir que c'est vraiment lors de nos vacances, donc chaque année au pays, que j'ai vraiment découvert l'univers des Cult Games de Teto. Ah ouais, ouais. Et c'est un univers qui m'a tellement marqué que j'en suis toujours aussi fan aujourd'hui. J'ai oublié, en fait, il y avait New Zealand Story aussi. Hein. Bah, c'est justement c'est pour ça que je parlais des Cult Games de Teto en général, parce que c'est carrément un genre qu'ils ont eux-mêmes quasiment inventé à eux tout seuls, presque à eux tout seuls. Et c'est en Italie hein, que j'ai vu New Zealand Story. Mais justement, c'est ça. C'est pour ça que je te disais ça, c'est que les Bubble Bubble, les Rainbow Island, les New Zealand Story, Leaky Kids aussi, je l'avais vu en Italie. Jeux absolument fantastiques. Alors ça, si vous connaissez pas et que vous aimez le genre plateforme, mais ça fait partie des jeux à faire. Hein. Tous ces jeux de Taito, c'est des tueries absolues. À tel point que c'est vraiment dommage. Enfin, l'époque a changé maintenant de toute façon. Puis Taito appartient à Square maintenant, si je dis plus de bêtises, non? Ou ils sont pas fait racheter par... Oh, alors là, j'en sais rien. Ils s'étaient fait racheter par Square. Ils font plus rien de toute façon. Si, parce que je crois qu'un des derniers que j'avais acheté, c'était un... Ils font des Puzzle Bubble sur mobile maintenant. C'était un remake de Bubble Bubble, pas Puzzle Bubble, hein, Bubble Bubble sur Wii. Où tu pouvais comparer tes scores en ligne, tout ça. Je l'avais acheté à l'époque, qui est pas mal. Hein, ça vaut pas la version originale, mais qui était sympathique. Quoi. Ah ouais, moi, Bubble Bubble, il y en a qu'un, c'est le premier. Hein. La version, je veux dire, c'est la version arcade, tout le reste. Oui. Ou avoir la vraie fin est un vrai chemin de croix. Ouais, la version Amiga est bien. Bah, voilà, c'est ça. C'est que nous, on a eu la chance, en fait, quand on parle d'arcade perfect, donc très souvent, on pense plutôt console, qu'il a fallu attendre un peu la Super Famicom, et puis après, vraiment la PlayStation et la Saturn pour retrouver quasiment les jeux de baston l'identique et certains jeux d'action, etc. Mais nous, à l'époque, sur Amiga ST, on s'approchait vachement d'arcade perfect grâce à Océan, qui adaptait tous les hits, donc notamment de Taito, pas que Taito, mais là, en l'occurrence, Taito. Et c'est vrai que Bubble Bubble... Rainbow Island a été la version micro à l'époque, avait été vraiment hyper saluée par la presse, tellement elle était quasi parfaite. Franchement, c'est le même. Voilà. New Zealand Story, c'est quasiment le même aussi. C'est alors, quasiment le même. Ce qui change juste, c'est la fenêtre d'affichage. Voilà, c'est que, en fait, c'est vrai que sur arcade, t'étais full screen, quoi. T'étais full screen. Sur micro, très souvent, à part de rares exceptions, tu jouais dans un petit cadre, quoi. Voilà, c'était fenêtré, quoi, on va dire. C'était moins fluide aussi. En arcade, t'étais vraiment genre 60 FPS, tu vois. Voilà, exactement. Et généralement, t'étais en 30-50, quoi, sur micro. Mais disons que si t'avais découvert, comme nous, tous ces jeux fabuleux en arcade, et après, t'y jouais chez toi sur ton Amiga, bon, bah, t'avais quand même cette impression d'arcade perfect, même si... Quand t'es petit, tu vois pas trop de différence. Hein. Non, bah, à l'époque, on la voyait pas trop. Alors, bon... moi j'ai vraiment souvenir que j'ai pas ressenti, que ce soit sur micro, hein, sur Bubble Bubble, sur New Zealand Story, sur Rainbow Island, de cette sensation de me dire ah merde, c'est quand même moins beau. J'ai l'impression d'avoir le même jeu, moi, en fait, hein, vraiment. Moi, ce qui me faisait chier, c'est d'appuyer sur O pour sauter, quoi. Ah, alors ça, c'était un peu le souci sur micro, on était habitué sur micro, puisque comme t'avais des joysticks parfois qui avaient qu'un seul bouton. Donc la direction haut était allouée à... Enfin, le saut était alloué à la direction haut du stick, en fait. Donc, je vous laisse imaginer Goose and Ghost, hein, au passage. Oui, c'était... Goose and Ghost, qui, lui, n'était pas arcade perfect, puisque c'était US Gold qui s'était chargé. Vas-y, pour tirer vers le haut, il faut sauter en même temps. Allez, vas-y, maintenant, joue à Goose and Ghost avec cette contrainte. Mais ouais, donc les cute games de Teto. Et moi, où j'étais très... Le seul que j'ai pas trouvé arcade perfect, même sur PC Engine... Parce que sur PC, enfin PC Engine, pardon, je la couperai, j'ai honte. PC en short. Ah non, c'est pas la même console, non. PC Engine, PC en short. Non, c'est nul. C'est la fatigue, c'est la chaleur, je suis désolé. Ah la vache, putain. Je t'ai piqué dans le crâne plutôt, la guêpe. J'ai peut-être une ruche là dans le crâne, ils sont en train de faire du miel, je ne sais pas. Du coup, j'ai perdu. Oui, Liquid Kids, par exemple, tu vois. Je trouve que lui, comme il était d'une génération quand même un petit peu au-dessus que par exemple Rainbow Island, Liquid Kids, que The New Zealand Story, par exemple, qui est, enfin Liquid Kids et un petit peu la suite non officielle de, ouais, non, de New Zealand Story. Suite, ouais, Liquid Kids, en fait, je me souviens parfaitement qu'en arcade, ce qui m'avait marqué, c'était le côté pastel dans le premier niveau des arbres. Ouais, ouais. Tu sais, c'est une sorte de petite boule dans des couleurs très très pastelles. Ouais, puis en plus, après, dynamiquement, il commence à faire nuit en fait. Plus tard, voilà. Et ça, tous ces super beaux effets-là, tu vas trouver l'identique nulle part en fait ailleurs. Ouais. Il faut vraiment jouer qu'à la version arcade. C'est dommage, ouais, même sur PC Engine. Sur PC Engine, c'était un peu plus. Et pourtant, ça reste la meilleure conversion. Je pense c'est la version que j'ai le plus joué, c'est la version PC Engine. Bah, tu sais qu'il devait sortir sur Amiga ST, Liquid Kids, ouais. Et puis du coup, ça. Il y a même eu des screenshots. Voilà, ouais. Et puis ça, bon, on l'a jamais vu arriver. Ils ont arrêté. Pour diverses raisons. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait pu avoir une bonne version. Et en tout cas, les jeux Taito. Vous avez toujours votre PlayStation 2 ou votre Xbox, vous pouvez choper pas cher. Il y a eu des compiles Taito qui sont vraiment extraordinaires de tous ces jeux-là. Mais par contre, je crois pas que dans les compiles il y a Parasol Star. Elles y sont pas ? Non, parce que Parasol Star. Oh, mais comment ça se fait ? Non, mais parce que Parasol Star, il est jamais sorti en arcade. Parce que là, ces compiles-là, ce sont des compiles de jeux d'arcade, en fait. Tu te rends compte, pourtant, il y a marqué Bubble Bobble 3, quoi. Oui, alors attends, parce que les suites de Bubble Bobble, c'est un gros bordel, en fait. Ouais, c'est un merdier, je sais. C'est merdier. Pour l'avoir, moi, je l'ai sur PC Engine, c'est un de mes jeux préférés, en fait. Voilà, toutes mes choses. Ah non, mais il est extraordinaire. Par contre... Quand tu le démarres, il y a The Story of Bubble Bobble 3. Exactement. Exactement. Sauf que... Et je crois que... Bubble Symphony, il écrit 4, il me semble. Je crois que tu as un autre Bubble Bobble 3 en arcade, qui doit être le Symphony ou l'autre, je ne sais plus. Parce que juste pour rappeler Parasol Star, donc c'est le, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le héros, donc la fusion des deux dragons en petit garçon, c'est le héros de Rainbow Island. Ouais, c'est Bubébop, quoi. Voilà, qui utilise un parapluie pour se débarrasser de ses ennemis. Bah, un parasol, en fait. Un parasol, oui, ouais, bah, c'est pour... Sinon, ce sera Umbrella Stars. C'est dans le titre, pardon. Et celui-ci, donc, il est sorti effectivement sur PC Engine. Il est sorti sur micro, NES et Game Boy. Voilà, ouais, la version Amiga est pas mal aussi. Mais bon, la vraie version, c'est la version PC Engine. C'est vraiment et la version qui est parfaite. Bubble Bobble 3 en arcade, si je dis pas de bêtises, c'est Bubble Memories. Ah oui. Oui, oui, oui. Qui sont tous géniaux. Moi, sur ma borne, je les lance régulièrement. Ouais, il est bien, mais on est loin de Parasol Star. Ils sont super. Bah, Parasol Star, c'était une super formule. Je me demande même pourquoi ils ne l'ont pas sorti en arcade à la base. Ouais, le game system, il est juste parfait. Quoi. Les niveaux sont parfaits. C'est vrai que Taito, à l'époque, c'était un gage de grande qualité. Ouais, c'est clair. Hein. T'avais un nouveau jeu Taito, c'était sûr que c'était un bon jeu. Hein. Et donc, les Cute Games, même en ému, hein, sous MAME, mais vraiment, essayez-les. Non, mais pas forcément sous même. Sur Rome Station, c'est bon, c'est mieux encore. Oui, enfin, pour ceux qui ont... Parce que Rome Station, si vous avez un PC... Hein. Oui, non, mais je veux dire, ceux qui ont un Mac, par contre, Rome Station, il n'existe pas sur Mac. Donc, okay. Mais oui, bah, Rome Station, c'est de la magie pure. Hein, mais justement, vu qu'on parle de Taito, autant parler de chez CSQ, parce que chez CSQ, c'était... Ah là, là là là là là. Oh, la borne. Quand j'avais vu en Italie, avec la bagnole noire, en arcade, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, you under arrest. Ouais, avec le mec, avec le flingue et tout. Et en fait, si je me souviens bien, on l'a connu assez tard, parce qu'il y avait le 1 et le 2 déjà. Mais moi, j'ai toujours été plus attiré par le 1. Oui, puis on y a beaucoup joué sur Amiga. Ouais, parce que le 1, déjà, la bagnole, je trouve, était plus classe. C'était la Porsche noire, là. Ouais. Et puis, puis après, en plus, c'est vrai qu'on l'a eu sur Amiga en piraté, là. Oh, qu'est-ce que je l'ai dosé, celui-là aussi. Oh. Ce qui était génial, Chase HQ, c'est que. Donc, on rappelle vite fait, c'est un peu un jeu de course à l'époque, avec une technique à la Outrun. C'est un jeu de poursuite, ouais. Voilà, sauf que. Voilà, on incarne une bagnole de flic, donc avec deux flics à l'intérieur. Et il faut donc. Il y a une phase de. La première phase, c'est une phase de course où il faut se rapprocher d'un véhicule. Ouais. Le véhicule du brigand, quoi, du malandrin. Genre, ouais, le mec qui fait délit de fuite, en gros. Quoi. Voilà, et dès qu'on l'a repéré. Et ben, faut lui foncer dedans. Voilà, faut pas arrêter de taper dans la caisse, voilà, pour. Ouais, bim, bim, bim. Puis après, il commence à prendre feu, je sais pas si tu te souviens, petit à petit, il prend feu. Et alors, c'est marrant que tu parles de Chase HQ, parce que pareil, c'est un des premiers jeux que j'ai relancé sur ma borne. La version PC Engine est géniale. Aussi. Et là, j'ai découvert toute la mise en scène. Enfin, tu vois, on l'avait sur Amiga aussi, mais tu sais, au début, quand t'as l'appel radio, t'as la meuf qui te parle. Avec la bagnole, la meuf au central. La font tourner, là. Voilà. T'as une petite musique, genre, là. La meuf, elle t'appelle. Bon, voilà, il y a un mec qui allait trouver tout. Et c'est vrai que, bon, bah, sur bande d'arcade, là, la mise en scène, elle est absolument top et tout. Par contre, Les buissons, on dirait les salades sur les côtés. Ouais, mais alors, ce qui est hallucinant, c'est que je me rappelle, sur Amiga, je passais beaucoup de bagnoles, c'est-à-dire que je passais beaucoup de niveaux. Écoute, sur arcade, quand j'ai relancé, j'ai réessayé 10 fois, j'ai jamais réussi. Ah ouais? À avoir le gars, j'ai pas compris. Moi, je suis jusqu'à la 3e caisse, en fait. Mais c'est vrai qu'au-delà de la 3e caisse, j'y arrive plus. Parce qu'en fait, tu sais, t'as le système de changement de vitesse et le système de turbo. T'as le turbo aussi, ouais, faut jouer avec et, tout ça. Ouais. Et tant que t'as pas bien saisi les techniques à ce niveau-là, franchement, c'est quasiment impossible. Mais à mon avis, ils ont dû faciliter les versions console et les versions micro, parce qu'en arcade. Il est plus dur. Le premier gars. Mais c'est un, mais 10 fois j'ai pas réussi. Et en fait sur PC Engine il est quasiment aussi dur qu'en arcade. Il est beaucoup plus dur sur PC Engine que sur micro en fait. Mais bon voilà, c'est vrai que j'adore l'ambiance, j'aime bien les musiques et puis j'adore les vieux jeux de bagnole avec les grosses bandes qui défilent vite là. Ah mais c'est top. Les grosses sprites qui grossissent. Et puis la récompense du Yonder Arrest là quand t'arrêtais le gars et tout. La petite illustration, tu vois, les mecs qui l'arrêtaient. C'est tout con, mais à l'époque, rien que ça, tu vois, c'est... T'imagines si les flics, ils arrêteraient les gens comme ça dans la vraie vie, tu sais. Tu sais, le mec, il a volé un VSD, tu vois. Il rentre dans sa bagnole, t'as les flics qui roulent dessus, tu sais. Il a volé un VSD. Attention, le voleur de VSD, vite. Il a volé un... Attention, une mamie a volé un France Dimanche. Non, mais le pire, c'est que dans le 2, c'est pire. C'est que le mec, il se lève carrément et il tire, quoi. Ah, je me rappelle. Le 2, j'ai beaucoup moins j'ai moins de souvenirs. En fait, c'est une décapotable. Et en fait, tu peux tirer. Tu peux foncer sur le mec. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et en fait, t'as le copilote, il tire carrément. T'sais, il se lève, et puis, il tire dessus. T'sais, en fait, c'est des criminels. Tous les mecs que t'arrêtes, c'est des criminels de guerre. C'est genre Ben Laden, Hitler, etc. Parce que putain, mais faut voir ce que tu leur fous dans la gueule. Attention, il y a Hitler en Porsche Carrera qui vient de voler un kebab. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, ouais, c'était des jeux qui déchirent. Et je rappelle que c'est les seuls jeux de bagnole où si tu te manges genre une touffe d'herbe, t'as la voiture qui fait un tonneau. Ah oui, non mais ça... Une touffe d'herbe, un tonneau, quoi. C'est super marrant et pareil comme tous les Outrun et dérivés. C'est dans Super Outrun ou dans Turbo Outrun, je sais plus. Il y en a un, j'ai rejoué il y a pas longtemps sur la borne où genre, tu te prends juste un buisson et tu fais un putain. Elle explose, la voiture elle explose. Tu fais un putain de tonneau, t'as les passagers qui. Ah non, c'est dans Outrun 2, non, Super non, Outrun. Dans Outrun, ils peuvent tomber de la voiture. Hein. Non, voilà, c'est Outrunners. Pardon, parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. D'accord. Et Outrunners, qui est très très sympa, il est vachement plus délirant en fait, c'est que t'as toujours un couple dans la bagnole. Ouais. Et quand tu te pètes, t'as la bagnole qui vole, elle fait des tonneaux en l'air, et t'as les passagers qui sont par terre et qui courent après la voiture et qui remontent dedans, tu vois. C'est complètement délirant. Mais voilà quoi. Donc bref, hein, ça me faisait rêver. C'est vraiment un des jeux qui me rappelle Outrun hein, d'ailleurs au passage. C'est des jeux qui me rappellent les vacances, quoi. Ça me rappelle vraiment quand j'étais petit, les vacances, le soleil, les glaces. Ouais, c'est vraiment lié à... À l'enfance, c'est vraiment relié à la bouffe et les jeux, moi. Donc, voilà, mon enfance, c'est ça, c'est la bouffe, les jeux. Et les pizzas, et les pizzas. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis la bouffe. Ah oui, la bouffe en général, t'as bien raison. Oui, exact, oui. La bouffe et les pizzas, ça n'aurait pas de sens. Bah, c'est les pizzas et les glaces, ouais. T'as bien raison. toujours pour rester dans le chapitre arcade, parce qu'on n'a pas que de l'arcade à vous proposer. Moi, j'ai souvenir donc de Shinobi. Donc, le premier Shinobi. Ah, c'est surtout toi qui squattais, donc je vais te laisser parler. Ouais, on en avait parlé dans un des épisodes précédents quand je disais que le premier Shinobi. Ah oui, c'est quand on parlait de Shadow Dancer. Que le premier Shinobi, pour moi, n'a pas pris une ride. On peut le relancer maintenant, il est toujours aussi nerveux, le LD est toujours aussi bon. Il y a un feeling de ce jeu, dans ce jeu qui est vraiment sensationnel. Et donc, à l'époque, j'adorais la borne Shinobi, bah, toujours lors de nos vacances en Italie. Le problème, c'est que. Ah pareil, c'était assez dur, et je pense que je devais peut-être faire deux niveaux, deux ou trois missions, et puis j'avais pas plus loin. Et ouais, t'es allé à celui avec les portraits de Madonna, là, c'est ça? Et après, c'était mort. Juste avant le port, en fait, non? Ah non, non, j'allais jusqu'au port, parce que t'as le premier niveau. Ah bah le port, c'est le troisième niveau, hein. Je crois, hein. Je dis peut-être de la merde. Ah non, c'est le deuxième, le port. Mais non, parce que quand tu butes le premier boss, après, tu sais, t'as un mur de briques, t'as des. T'as les faux Spider-Man, là aussi. C'est ça le deuxième niveau. Ah oui, non, mais moi, je le comprends dans le premier niveau, ça, c'est la première mission, en fait. Oui. Ah ouais? Tu sais, je. Ah oui, d'accord. Je compte en termes de map, en fait. D'accord, voilà. Ok. Parce que t'as le premier niveau, t'as le tout premier, Après, t'as celui avec le Spider-Man, le portrait de Marilyn, etc. Après, oui, c'est pas boss. Madonna, c'est Marilyn, ouais. Voilà, oui, en plus, oui, t'as Madonna. Je dis Madonna. Ouais. avec Ouais, elle se ressemble, c'est des avec ce portrait-là. Et après, t'avais le gros boss de la première zone. Et après, ouais, t'avais le niveau avec les piliers, le port, quoi, en fait. Ouais, voilà. Avec les... La nuit, là. Ouais, c'est un de mes niveaux préférés, celui-là, je l'adore. Tu te rappelles la musique ? Ah non, mais les musiques sont géniales. Ah, je les connais par cœur, elles sont géniales. Le niveau bonus est extraordinaire. Ah ouais, quand tu tires sur les mecs qui viennent. Voilà, et en fait, alors, je sais plus jusqu'où j'allais, parce que je sais qu'après, donc, t'avais le port, après, t'avais la partie dans l'entrepôt qui était assez balèze, tu sais, où là, c'était un niveau vertical. Où fallait oui, que tu montes, horizontal et vertical, c'est un mur de... Bah, je le connais par cœur, parce que je l'ai refait tellement... Je le refais d'ailleurs, il se passe pas une année sans... J'ai pas beaucoup joué, moi, celui-là. Ah bah vraiment, je te conseille, parce que moi, c'est un des jeux que je fais plusieurs fois tous les ans. C'est obligatoire, j'aime trop le premier Shinobi. Et du coup, t'as l'entrepôt dans le port, en fait. Ouais. Là, c'est assez vertical. Et du coup, il faut te rendre tout au sommet, et t'as une sorte de mur de pierre rouge, de briques rouges. Ça indique quelque chose, ouais. Voilà, et en fait, tu montes, et ici, ça commence vraiment à se corser. Donc, je sais plus jusqu'où j'ai été à l'époque en arcade, mais je devais peut-être perdre dans ces eaux-là, quoi. Parce que j'avais pas non plus 36 minutes. Bah, moi, je jouais la salle où il y avait ce jeu-là. Moi, je jouais un jeu avec une abeille, là, que je retrouve pas, malheureusement. Oui, on a cherché, hein. C'est un shoot 'em up avec une abeille et c'est pas insectoïde, hein. S'il y en a quelqu'un qui disent ah ça doit être insectoïde, ouais, ou un non, secteur non. X aussi, ah non un secteur X, voilà, pardon, insectoïde. Pour les mouches, voulez-vous, les mouches vous agacent, j'utilisais insectoïde. Mais insectoïde, c'était pas nom de la série 3D là, insector, c'était un secteur. Ah, c'était un secteur, ouais. Avec les fables de la fontaine, c'est pas ça, avec des insectes, ou je sais plus. Non, les fables de la fontaine, c'est encore autre chose. Enfin bref, et du coup, un jour, je vois un mec balèze jouer dans cette même salle à Shinobi, et le mec, il était super fort, il était vachement loin. Il était au boss des têtes de. Avec des statues là. Des deux côtés là, c'est ouais, pas ouais, c'était okay. Vachement loin et tout. Et puis à un moment donné, il se barre, il a plus de pièces. Et donc j'étais super content, parce que moi j'attendais que ma pièce, et j'avais jamais été aussi loin, quoi. Et ça, faut se rendre compte aussi. Ah, et t'as fait, ah oui, du coup, t'as repris le. Voilà, j'ai repris la partie. Et ça, c'est quelque chose que maintenant les joueurs ne peuvent, enfin, les jeunes joueurs ne peuvent pas se rendre compte de ça, c'est que maintenant t'as des continues infinies, etc. C'est vrai qu'en arcade, c'était Tandax, quoi, tu vois. Et là, j'étais content d'aller dans une partie du jeu que j'avais, que j'avais jamais vue, quoi. Et enfin, je sais que Shinobi, c'est vraiment un de ceux qui m'a beaucoup marqué. Et si la conversion sur micro était pas parfaite, parce que je ne sais plus qui l'a réalisé, parce que US Gold a fait beaucoup de, c'était non, un champ US Gold a fait beaucoup de Sega, mais c'était pas eux pour Shinobi. Non, je sais pas qui c'est. Mais par contre, le problème, c'est que moi, je me souviens que c'était super saccadé. Oui, c'était ça qui a dit. Oh, ça faisait mal aux yeux quand alors même. Alors, aussi, il y a ce truc-là, c'est que tu as des conversions d'arcade, celles d'Océan dont on parlait sur micro, qui étaient géniales, on les relance maintenant, on les trouve toujours aussi bien. Ouais. Mais il y en a certaines d'autres aussi où à l'époque, on voyait qu'on était vachement plus indulgents. Peut-être on avait moins le recul, moins, je ne sais pas, tu vois. Je sais pas. Bon, et là, je pense que Shinobi, je le relancerai sur micro maintenant, je pense que ça ferait peut-être non. Mal aux yeux. Ouais, non, franchement. Je crois pas qu'il était si bien adapté que ça, mais à l'époque, bon, j'en ai non, pas gardé un mauvais en fait, souvenir sur micro. Le scrolling, c'est par à-coup. Genre de oui, 10 par oui. 10 pixels, il tu me vois. Semble, c'est... Oui, oui, oui, t'as raison. La vache, ça fait mal. Ça fait mal à la gueule, hein. Franchement. Ouais, ouais. Non, ouais. Il est pas jouable. Non, il y a comme d'habitude, il y a la version PC Engine qui est bien. Oui. Qui est quasiment pareil que l'arcade. Par contre, je sais pas qui a fait la conversion. C'était Data. Non, Data East. Non, je dis peut-être la merde, donc je vais rien dire. Mais je sais que la version PC Engine, une fois de plus, de toute manière, la plupart des conversions arcade de l'époque, les meilleurs, c'était PC Engine. Hein. Ah oui, oui, oui, oui. C'était la console des conversions arcade. Hein. C'est vrai qu'elle a eu une tripotée de conversions vraiment... C'est pour ça que Nintendo avait un peu peur. Parce qu'au Japon, il faut savoir que... Ok, la Famicom avait pas mal de conversions de jeux d'arcade, mais les Japonais, s'ils voulaient jouer à l'arcade perfect, c'était PC Engine. Hein. Non, c'est vrai que sur PC Engine, il y avait vraiment des super... Je suis en train de regarder là parce que je suis curieux. La version PC Engine... Bon, c'est ASMIC. Ah bah je connais pas. Bah moi non. Alors plus. Là, ASMIC. C'est ASMIC qui a réalisé... Alors après, en plus, sur PC Engine, il y a beaucoup de... Alors, faut savoir qu'il y a plein de boîtes en fait qui avaient deux entités. Tu sais, ils s'en foutaient un peu à l'époque. Des fois, tu as des boîtes, tu dis par exemple, là, c'est Asimic, mais ça se trouve, c'est Namco, tu vois. on sait pas. Peut-être, ouais. Tu avais beaucoup de boîtes Jap qui avaient plusieurs entités pour des questions de droit, enfin, je sais pas quoi, de droit d'exploitation ou de conneries comme ça. Donc, bon, à voir. Mais non, je connais pas du tout Asimic. Aucune idée. Inconnu au bataillon, moi, dans mon cerveau. Oui, alors parmi les titres qu'on voulait évoquer en arcade rapidement, et bah Wonder Boy, bien sûr. Ah bah moi c'était bah c'est comme ça que j'ai découvert Wonder Boy. Hein. C'est dans un café. Le tout premier. C'était une fête. Je me souviens que c'était une fête où il y avait un feu d'artifice. Alors une fois de plus, c'était encore en Italie. C'était pas trop loin de chez nous. Par contre là en Italie, c'était pas à la plage ou je sais pas quoi. C'était vraiment. Mais c'était genre, encore un été quoi. De toute façon, c'est sûr. Ouais, voilà, c'était la ville voisine. Oh la vache, la découverte. Moi, je me souviens que papa et maman m'avaient filé plein de pièces. Et en fait, du coup, je pouvais jouer. J'ai pas fait qu'une partie. Tu sais, j'en ai fait plusieurs. J'ai pu en faire plusieurs. Ça, je m'en souviens. Oh, je l'ai squatté, laisse tomber. Et après, j'ai découvert plus tard que ça existait sur Master System. Et moi, je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait bouffer des fruits pour gagner en endurance. Parce que ça. La première partie, parce que c'est vrai que finalement, par rapport au canon de l'époque, c'était une feature de gameplay qui n'était pas courante quoi. Enfin, c'était nouveau au niveau game design. C'était manger des fruits pour maintenir un peu son endurance. Le scooter et tout. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que je crois qu'on connaissait Wonder Boy 2, si je dis pas de conneries. Monsterland. Ouais. Avant celui-là. Oui. En fait. Oui, parce que le Wonder Boy 2 de Monsterland, qui est le tout départ en fait du. L'embryon du concept des Monster World, d'après qu'on aura. Genre RPG un peu. Ouais. Voilà. C'était aussi un jeu d'arcade. Ouais. Deux, puisqu'il peut se finir d'une traite, même s'il y a un petit côté aventure. RPG, ça reste un jeu d'arcade. Voilà. Par contre, le premier Wonder Boy, c'était vraiment de l'arcade pure et dure. Bah, en fait, c'est le premier jeu du style Adventure Island. En fait, c'est Wonder Boy, c'est lui qui a instauré ce style. De jeux où t'arrêtes pas de courir, où t'as un skateboard, où t'as. En fait, tu sais pourquoi ? Parce qu'Adventure Island, c'est ni plus ni moins que. C'est l'adaptation de Wonder Boy, en fait. Voilà, comme. C'est très très compliqué, hein. Mais comme. C'est Westone, voilà. Comme Westone ne pouvait pas. Westone avait un contrat. Alors, je résume très très brièvement le truc, voilà. C'est qu'en fait, ils avaient des contrats à droite à gauche et sur PC Engine, ils pouvaient pas réutiliser le nom Wonder Boy. Donc du coup, c'est devenu Adventure Island, en version occidentale, et à la base, c'est Takeshi Meijin. C'est Takeshi Meijin, voilà. Et d'ailleurs, alors, je l'ai en U-Card sur ma PC Engine, et pour moi, c'est la meilleure version, et de très, très, très loin. Si un jour, tu ne l'as pas fait, Bruno, d'ailleurs, il faut absolument que tu le fasses, cette version. Pour moi, elle est mieux que la version Super Famicom, largement, quoi. Je ne compare même pas au niveau du gameplay, hein. Les musiques elles tuent, graphiquement il est super beau, le sprite il est énorme et en fait il est mais d'un speed, il est dynamique mais laisse tomber quoi. C'est ouais parce que celui sur Super Famicom était très beau, la musique en tout cas surtout celle du premier mais niveau il est mou. Déchiré mais c'était un peu mou ouais. Ouais il est mou et celui sur PC Engine, pouah oh, franchement c'est une tuerie à faire. Si vous le connaissez pas, Takeshi Meijin sur PC Engine. Alors bon, en émulateur, si vous voulez, alors mieux encore si vous avez une PC Engine. Un U-Card, il doit coûter 20 balles, quoi. Il doit coûter que dalle. À faire absolument. Et du coup, c'est là aussi que tu avais découvert Atomic Robo Kid. Oui, bah aussi, toujours en arcade en Italie. Alors là, on va vite passer là-dessus, parce que, en fait, il m'avait vachement impressionné à l'époque, parce que tu tires des gros rayons. Voilà, tu sais, quand t'es petit, tu t'accroches à pas grand-chose. Tu tires vraiment des gros rayons bleus, je sais pas si tu te souviens, des grosses bandes de rayons. Moi, il m'avait marqué pour autre chose, mais je te le dirai après. Et il y avait beaucoup de parallaxes, je crois, en version arcade. Par contre, la version Amiga, version PC Engine, tout ça, avec du recul. Moi, j'ai rejoué en arcade et j'ai rejoué aussi dans sa conversion PC Engine. Et en fait... Même en arcade, ça casse pas des briques, en fait. Ouais, c'est un jeu IRM, si je me souviens bien. Il me semble que c'est IRM, ouais. Franchement, il est relou quoi. Moi, j'en avais gardé un grand souvenir parce que par rapport à. Le robot est mignon aussi. À une émission qui culte pour nous deux qui s'appelait Gros Plan sur la Souris, qui traitait de jeux vidéo donc à l'époque. Et quand j'entends certains dire que Micro Kids, cette merdasse, était la première émission de jeux vidéo, mais ça me fait hurler de rire. Enfin bref, d'ailleurs, je l'ai mis sur la liste là pendant qu'on discutait, ça m'est venu. J'aimerais bien qu'on fasse une émission sur les émissions. De jeux vidéo à la télé, je pense que ça pourrait être très très intéressant. Ouais, bah oui. Et Micro Kids. Et du coup, sur Gros Plan de la Souris, je pense qu'ils avaient dû chroniquer la version PC Engine, justement. Et j'avais trouvé ça magique, ce gros robot, ces niveaux qui étaient à la fois horizontaux et verticaux. Enfin, ouais. Je trouvais que ça pétait la classe. Et donc, encore une fois, on va dire que je ramène toujours tout à ma borne, mais je suis désolé, vu qu'on là, on parle de l'arcade, on est en plein dedans. Sur ma borne, pareil, ça fait partie des premiers jeux que j'ai voulu en lancer. Ouais. Et je me suis dit, bah ouais, finalement, par rapport à plein d'autres hits d'arcade, même lambda, il est vachement en dessous à Atomic Robo Kid, en fait. Ah oui. Et il est pas nul, mais. Non, mais disons que voilà, on a des souvenirs. C'était resté un fantasme d'enfant, quoi, vraiment. Ouais, voilà. Et je pense que quand on était gamin. En plus, je crois que quand je l'ai vu, j'y ai pas joué, en fait. En plus, le pire, c'est que je l'ai vu, mais je l'ai pas joué. J'ai joué bien plus tard, donc du coup, en émulation avec Magic Engine, donc l'émulateur. Ouais, ça remonte. Le plus connu, quoi. Ouais, celui qui était payant. Il était payant, ou il l'est toujours, d'ailleurs, j'imagine. Il est toujours payant. Ouais, ouais. Mais bon, tout le monde l'a craqué, enfin, je veux dire. Version payante de ce truc-là, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, je l'ai découvert sur le tard, et Magic Engine, c'était récent d'ailleurs, c'était vraiment le début des émulateurs, et celui-là faisait partie des émulateurs les plus puissants à l'époque, les plus perfectionnés, parce que c'était vraiment une émulation parfaite, on va dire, du moins pour l'époque. Maintenant, les dernières versions sont encore mieux, mais voilà, les différences sont minimes, c'est l'histoire de quelques compatibilités de certains jeux. Mm-hmm. Bref, on s'en branle. Mais visuellement, il est impressionnant, ce micro Boki. Quand tu voyais des screens ou juste une courte séquence vidéo, voilà, c'était impressionnant. C'est ça. Et en fait, tu sais, les démos avec genre Insert Coin, là. Ouais. Quand tu joues pas en arcade, en fait, la démo, le mec, entre guillemets, joue super bien. Et t'as l'impression que ça a l'air d'être génial. Et en fait, quand il joue, c'est chiant, quoi. Oui, c'est dommage parce que le sprite est vraiment sympa. Ouais, mais il est au milieu de l'écran. Et comme c'est un shoot, tu vois rien. C'est mal réglé. Tu vois pas ce qu'il y a devant toi. Mieux réglé et plus nerveux, ça aurait été chouette, quoi. Et donc, j'aimerais parler de Thunder Fox. Ouais. Parce que ce jeu a une histoire particulière chez nous. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, Thunder Fox, c'est quoi ? C'est un jeu d'action, en fait. Hein, vraiment de. Signé Taito. Encore Taito. Une fois de plus. Une fois de plus. On dirige. Voilà, ça faisait partie des rois de l'arcade à l'époque. Ah mais c'est ça, c'est clair, vraiment. C'était un jeu donc on dirigeait, donc on pouvait jouer à deux en même temps, hein, effectivement. Ouais. Un mec en rouge et un mec en bleu. Voilà. Mmh. Du coup, j'essaie de me rappeler un petit peu si c'était juste les frocs qui étaient en couleur, ou enfin bref. Bon, bref, c'est pas très grave. Ouais, je crois que c'est des débardeurs, enfin je sais plus. En tout cas, il était dans la salle où il y avait Pang. Et c'est un jeu, en fait, visuellement, on le voit comme ça, on va dire que la taille du sprite, des sprites, ça faisait à peu près des tailles à la Shinobi, en fait, un peu. Ouais. Voilà, c'était des niveaux. D'ailleurs, c'était un peu comme Shinobi, on pouvait monter sur des corniches, enfin, on pouvait monter sur deux ou trois niveaux, très souvent deux. Après, t'avais des niveaux aussi qui étaient un peu plus verticaux, où là on montait plusieurs étages, etc. On ramasse des armes à feu ou des couteaux, des grenades, enfin voilà. C'était pour l'époque hyper hyper beau. Ouais, c'est impressionnant. Ça pétait de partout, il y avait des SFX de partout, enfin des effets pyrotechniques super impressionnants. Une action menée tambour battant, il se passait toujours un truc de fou. Vraiment. Il y a un petit côté contraint un peu, tu sais. Dans le côté foufou, quoi. Voilà, dans le côté foufou, et à une échelle plus grosse, puisque là, effectivement, c'était plus une échelle à la Shinobi, quoi. Ouais. Mais, donc bref, c'est un jeu qui nous a beaucoup marqué à l'époque, notamment la scène de jet ski qui a remonté. Ouais. Et, écoutez, sans rire... C'est marrant, personne n'en parle de ce jeu. Hein. Ouais, et je suis très fier d'en avoir parlé sur No Life, dans Retro and Magic. Ouais. Ça, c'est une petite fierté, parce que j'ai l'impression que ce jeu, tout le monde l'a oublié. Nous, il nous avait tapé, vraiment, enfin, il nous avait marqué. Et on a passé combien de temps à chercher son nom ? Ça a été une quête du Graal pour nous pendant... Quelques années, quand même. Hein. Bah, très longtemps, parce que là... Franchement, quelques années. Oh oui, ouais, même. Ouais. Bah, à l'époque, on avait quoi ? On avait... J'avais pas 10 piges, en tout cas. Voilà, je devais avoir à peine un peu plus de 10 piges. J'ai retrouvé le nom l'année dernière. Donc ça fait presque 30 ans, ça fait 25-30 ans quand même. Hein. C'est dingue. Et pendant 25-30 ans, j'ai fait des recherches. Je m'appelle, j'avais monopolisé tous mes contacts les plus pointus sur Facebook, Twitter. On cherchait, on me donnait des listes de noms. J'ai passé des nuits à chercher sur Internet. Impossible de retrouver ce foutu jeu. Et un jour, j'ai réussi à le retrouver. Donc, c'était l'année dernière. Je me rappelle juste, t'avais envoyé un message. Je me souviens. Je l'ai retrouvé, putain, c'est celui-là. Et j'étais tellement heureux de le retrouver, que c'était à l'époque où j'écrivais pour Retro & Magic sur No Life. Et j'en ai fait un Retro & Magic sur No Life. J'étais très heureux de l'avoir fait, puisque ce jeu est une tuerie absolue et qu'il est quasiment inconnu. Et il est en plus dans les compilations Taito hein, qu'on trouve sur PS2, sur PS2 Xbox, il est dedans. Sauf que même à l'époque, et tu vois, parfois on a ce réflexe à la con de retourner sur les jeux qu'on connaît, tu vois. Oui. Et du coup, j'avais dû voir passer le nom et j'ai fait bon, tac tac. Alors qu'avec les années, maintenant, j'ai appris à. Bah, surtout que Thunder Fox, moi, je l'ai vu passer plein de fois. Hein. Et voilà. Et du coup, moi maintenant, j'ai appris à vraiment, et sans me forcer, avec grand plaisir, je vois sur ma borne, vu que j'ai 10 000 jeux, j'aime bien aller découvrir juste sur un screen, sur un titre. Tiens, c'est quoi ça, voilà. J'adore maintenant. Bah, moi aussi, maintenant, c'est ce que je fais. Et grâce à ça, j'ai découvert quelques jeux qui actuellement font partie de mes jeux préférés, quoi. Et oui, parce qu'il faut vraiment être très curieux. Et Thunder Fox. Pour revenir à ça, ce qui est fou, c'est que vraiment, t'en parles à quelqu'un, ça va pas lui parler. Alors que moi, je trouve que. Parce qu'il n'y a pas que l'effet visuel, même manette en main, il est super drôle à jouer, il est nerveux, il est. Il est fun. La jouabilité est très bonne, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, Thunder Fox, ça fait vraiment partie de ces jeux voilà, qui nous ont marqués. Alors, attention, parce qu'il y a une version Mega Drive qui est pas top. Je savais même pas, tu vois. Si, il a été converti sur Mega Drive, et donc ça, je vous le. Pardon, excusez-moi, je ne vous conseille pas cette version du tout. Donc pareil, toujours en ému, version arcade, ou sur les compiles Taito. Thunder Fox, c'est vraiment, vraiment de la bonne. Et voilà, quoi. Donc du coup, je pense que notre chapitre arcade est terminé. Il y a plein d'autres jeux hein, qu'on a découverts aussi, mais on voulait quand même brasser plusieurs hardware, quand même. Plusieurs époques. J'aimerais qu'on parle de Shadow of the Beast. Oh la vache. Voilà, ceux qui me connaissent savent l'impact qu'a eu ce jeu voilà, sur ma vie de joueur. Et dans ma vie tout court d'ailleurs, oui. Et du coup, c'est marrant parce qu'on n'avait pas le même souvenir. Alors, ça qui est impressionnant, c'est qu'on en a parlé avant. Et du coup, moi, dans mes souvenirs, je l'avais découvert dans un contexte complètement différent et non finalement. Donc c'est ça qui. Moi je me souviens que la première fois que j'ai vu le jeu, c'était un de nos cousins là, Gianni. Ils avaient dit ouais j'ai un jeu à vous montrer. Je sais pas, enfin moi je m'en souviens hein, en tout cas. J'ai un jeu à vous montrer. Vous allez voir c'est genre le plus beau jeu. Blablabla blablabla. Ils nous vantaient les graphismes d'un jeu en fait. Tu vois. On était chez mamie. Et ce qui est fou c'est que je me rappelle pas du tout de ça. C'est incroyable. Et on va chez lui et il y avait Stefano. Il y avait tout. En fait il y avait. Gianni, le cousin qui voulait nous montrer le jeu, il y avait sa sœur et il y avait aussi un autre cousin avec nous, donc Stefano, et je crois qu'il y avait Aldo, et je crois qu'il y avait papa aussi hein. C'est marrant, j'ai pas du tout ce souvenir là du jeu, c'est incroyable hein. C'est dans leur salle à manger là, avec télé qui était dans un angle et tout, avec un meuble, et là ils mettent Beast et je le regarde et je regardais l'Amiga, je me dis mais c'est pas le même truc qu'on a chez nous, c'est pas possible. C'est sur Amiga. C'est étrange. J'avais du mal à croire que c'était sur Amiga, quoi. C'est étrange ça, parce que c'est Dieu sait que voilà, c'est ce jeu a marqué ma vie au fer rouge, et j'ai un autre souvenir de la découverte de ce jeu-là. Donc parfois les souvenirs s'en mêlent au fil du temps, quoi. Tu vois, je sais pas. C'est parce que moi j'étais persuadé avoir vu des screens dans le premier magazine que j'achetais à l'époque de jeux vidéo qui était Génération 4. Peut-être que toi t'avais vu des screens, mais moi je le connaissais pas. Hein. Mais si j'avais vu des screens, je t'en aurais forcément parlé. Donc c'est ça qui est. Bah ouais, mais je sais pas. Qui est étonnant. Mais ça se trouve, c'est toi qui as raison. Hein. En tout cas, moi j'ai découvert comme ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, bah on l'a peut-être découvert ensemble à ce moment-là. Mais il me semble que t'étais là. Hein. Moi, il me semble que t'étais avec moi hein, à ce moment-là. Bah je pense, ouais. Tout cas, ça m'avait foutu sur le cul. Et pour la petite anecdote, pourtant j'étais petit. Et tu sais, on dessinait beaucoup. On faisait même des fausses pubs de jeux et tout, c'est en dessin. Ouais, je me souviens. Et quand j'avais vu donc Beast, je me suis dit, quand je serai grand, je vais faire ça. Ouais, quand j'avais vu Beast, c'est le jeu où je me suis dit, alors j'avais aucune notion, j'étais trop petit, tu vois, mais j'avais aucune notion de ce que c'était les métiers du jeu vidéo. Mais c'est ce qui m'a donné envie de, par exemple, de dessiner sur de Luxpaint et tout, quoi. C'est biste. Mais il y avait une sorte de fascination qu'exerçait ce jeu qui était... On se demandait comment ils avaient fait, en fait. Moi, je sais très bien... Alors, c'est marrant parce que le contexte de la découverte, c'est un peu flou, mais c'est très certainement ce que tu dis, hein. Peut-être que... Et c'est bizarre parce que ça fait partie de... Peut-être, voilà, des... C'est une liste de 5 jeux qui m'ont le plus marqué au fer rouge, il est dedans, et c'est vrai que je me souviens pas de ce moment-là, mais par contre, je sais que la première fois que je l'ai vu, ça a été un électrochoc, parce que je me suis... C'est là que j'ai vraiment pris conscience, en fait, qu'un jeu vidéo... Ça pouvait être de l'art, pouvait, quoi. Voilà, pouvait avoir une direction artistique forte et marquante et émouvante, et voilà, après on peut mettre tous les superlatifs qu'on veut derrière, mais c'est... C'est là qu'on s'est dit que le jeu vidéo, c'est aussi un art. Et on s'en est rendu compte à ce moment-là, quoi. Et là, si on veut même parler pixel art, tu vois, ça reste à ce jour un des plus beaux jeux en pixel art qui existe. Ah oui ? Encore maintenant. Et pour la petite anecdote, parce que j'attendais beaucoup du reboot, remake, qui a été fait donc là sur PS4, et j'ai été énormément déçu. Et en fait, pour moi, le seul but de ce remake, c'est que dedans, tu débloques le jeu original. Donc la version Amiga, qui passe très très bien sur l'écran HD, tu n'as pas l'impression d'avoir une perte, en fait. C'est magnifique. Et dedans, tu as un mode inclus, tu peux mettre un mode vie infinie, quoi. Bon. Et donc, d'accord. En fait... Attends, tu veux faire une double anecdote ? Ouais. C'est qu'à la base, et on en a déjà parlé, à la base, moi, avant que ce remake soit annoncé, j'avais contacté Reflection pour choper la licence. À la base, pour ceux qui nous écoutent, on a, avec Julien, on voulait faire notre Beast. On voulait faire Beast 4. Ouais, voilà. Et on a contacté Reflection, Reflection, et en leur disant oui, alors je voudrais savoir, blablabla, parce que... Les licences, en fait, les vieilles licences micro sont lâchées assez facilement. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elles valent rien, quoi. Et Beast, ça vaut rien. Ça valait rien, quoi. Donc, je les contacte, je leur dis, ouais, voilà, en gros, vas-y, je mets du pognon sur la table. File-moi Beast, quoi. Et ils m'ont envoyé chier comme une merde. Alors, je ne l'ai pas présenté comme ça, évidemment, je voulais déjà les rencontrer. Oui, parce que c'est. Allô, hey, mec, file-moi Beast, ouais, s'il te plaît. Fais tes Beast, vas-y, tiens le flou, c'était avec une valise. Pas top. Avec les dents là-haut, dedans. Fais pas ta biatch. Et bon, je vais peut-être me faire taper dessus, bon, je m'en fous de toute façon, mais ils m'ont vraiment envoyé chier, quoi. Ouais, c'est bizarre, mais c'est vraiment pas du tout correct. D'autant plus embêtant. Enfin. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient déjà en deal. Bah oui, mais il aurait pu te le dire gentiment, remarque. Ouais, ils auraient pu le dire, désolé. Alors peut-être pour des raisons de, je sais pas, de secret, mais de secret, franchement, qui n'en a rien. Enfin, tout le monde n'en a rien à foutre de Beast, tu vois. Il y a aucun secret autour, quoi. Tu vois, donc même si j'avais lâché le truc, qui en aurait parlé, quoi. Bah une poignée de fans, comme nous, parce que mine ouais, de rien. Non, mais ça représente rien, enfin. Non, mais ce qui est dingue après, c'est un autre sujet, c'est le. Il n'y a pas de secret autour de ça. Le fait. De certaines licences micro absolument cultes et géniales qui sont tombées un peu dans l'oubli. Et bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais ce qui est dommage, je trouve, avec ce remake, c'est que le mec qui est derrière. C'est un vrai passionné. C'est un vrai passionné. Et moi, c'est surtout. Enfin, j'avais confiance au jeu parce que c'est vrai, quand tu l'entendais parler. Et puis même, il y a des panoramas qui sont super beaux. Enfin, des décors qui représentent vraiment Beast, quoi. Oui, mais... Artistiquement, il fait Beast. Enfin, du moins, d'un point de vue... J'ai pas joué, moi. Mais... Bah moi, en fait, pour moi, artistiquement, il fait Beast sur 2-3 panoramas et pas sur 90% du jeu. Après, moi, c'est mon avis. D'accord. Voilà. Okay. Bon, okay. C'est le système... Vite fait, vu qu'on est dans le sujet, 2 secondes, le système de jeu est chiant. C'est pas mal, c'est pas mal fichu, mais c'est chiant. C'est toujours la même chose. C'est très répétitif. Et il y a juste... Et ça, ils l'ont bien mis dans un des trailers et... t'as juste un ou deux panoramas qui te font vraiment penser à Beast, dont un, la fameuse plaine mythique de la première zone, ou un autre qui rappelle une jaquette de Roger Dean. Et là, tu peux que tomber dans les pommes quand tu vois ça. Mais par contre, c'est juste quelques petites scènes comme ça, et tout le reste, c'est chiant à mourir. Enfin, je trouve ça chiant. Et on trouve des jeux de fans gratos sur le net qui rendent hommage à Beast, qui sont beaucoup mieux. Pour moi. Et au passage, mon pote avec qui je fais Agelos, donc un des jeux qu'on développe là en ce moment, lui, il a fait une démo qui s'appelle The Beast. Eh ben oui, bah ça explose le remake. Maintenant, hein. Il a un autre nom, ça s'appelle Aeon pour des questions de droit. Eh ben oui, c'est ça. Bah faut voir les retours. Hein. Tout le monde, pour tout le monde, c'est Beast 4, hein, le jeu. Là, c'est débrouillé. Oui, parce qu'il a réussi à bien faire la synthèse entre. Et parce que c'est un vrai fan, quoi. Entre le premier Beast, qui reste le plus marquant, quoi qu'on en dise. Ouais, et puis et le 2 et 3, où il y avait un petit côté. Il y avait un côté aventure plus développé. Voilà. Mais. Rappelle le nom et où on le trouve pour ceux qui nous écoutent, si ça alors, les intéresse. C'était The Beast, ou sinon, maintenant, je crois qu'il s'appelle Aeon. Donc, E-O-N. Il y a eu pas mal d'articles sur Rum Game, là, rum.fr, je sais pas quoi. Mais sinon, il faut aller sur son site, Wonderboy Bobby, là. Vous allez sur son site, bon, il y a la démo d'Agelos ouais. au passage, qui devrait sortir, je pense, j'espère, à la fin de l'année. Et sinon, il y a la démo jouable de Aeon, dedans, qui c'est une petite démo, allez, elle fait 20 minutes. C'est la première zone de jeu avec un boss, sachant que ce jeu-là, enfin, c'est prévu qu'il le termine, en fait. Il va le terminer sous le nom de Aeon, donc c'est, on va dire que c'est Beast 4, mais sans les droits, quoi. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. As-tu parlé de Rum Game pour leur faire un petit coucou Rumgame.fr, voilà. C'est vraiment, si vous aimez le rétro, c'est un. Il est bien ce site, ouais. C'est un site qui est très très bien et qui est tenu par un gars vraiment, vraiment top, quoi. Donc, on lui passe un petit coucou et c'est vraiment un site. Voilà. Moi, je le connais pas, mais ouais, en tout cas, c'est un site que j'aime beaucoup. À visiter. Bah, moi, j'ai conversé plusieurs fois avec lui sur Facebook. Depuis longtemps d'ailleurs, il a été très sympa parce que certaines de mes vidéos, il les avait mis bien en avant sur son site. D'accord. Et puis, je crus comprendre qu'il aimait bien notre podcast. Donc, okay. Rien pour ça. Bah, je vais le contacter pour être au challenge alors. Si je peux faire de la pub. Ah oui, oui, oui. Bah, à mon avis, s'il ne le fait pas de lui-même, tu peux le contacter. C'est vraiment un mec super. Et puis, vraiment, rumgame.fr. Allez-y, c'est très très bien. Puis il est vraiment vraiment quotidiennement mis à jour. C'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam, t'as vu. Donc voilà, c'était pour Beast. Ouais. Et on va parler de sa suite parce que Beast 2. Plus pour l'anecdote à la limite. Mais C'est l'anecdote rigolote en fait. C'est pour faire le trait d'union avant le prochain jeu. Vous avez le droit de vous moquer. Non mais en fait Beast 2. Ceux qui l'ont fait se souviennent très certainement de la scène d'introduction qui, à l'époque, était vraiment très impressionnante. Moi, je trouve qu'elle est toujours super... Et te rends compte, c'est du pixel art, quand même. C'est tout en pixel art, en fait. C'est une cinématique, en fait. Hein. Voilà, C'est une cinématique qui sodomise. À ce niveau-là, c'est un viol collectif, carrément. Toutes les cinématiques des jeux indés en pixel art actuels. Franchement, c'est vrai qu'elle est top. Je crois que c'est la plus belle intro en pixel art qui a jamais été faite, franchement. Après, techniquement, ceux qui avaient fait très fort, c'était. Mais elle a pas du tout le même impact visuel, elle est pas du tout aussi. Impactante, mais tu sais, Wrath of the Demon, qui était le clone de Beast, techniquement. Ouais, mais c'est moins. Non, mais au niveau du design, au niveau de l'impact, au niveau de la mise en scène, c'est moins marquant. Mais par contre, techniquement, ça avait été très loin aussi, parce que tu avais l'impression que ça avait presque dessin animé. Alors que c'était. Mais il y a moins de. Il est sorti bien après. Ouais, et il y a moins de plans. Oui, non, mais là c'est fou. C'est que. Mais celle de Beast 2, elle est folle. Vous tapez Shadow of the Beast 2 Amiga opening ou introduction sur. D'ailleurs, elle prend la disquette. Hein. Sur la disquette. Oui, c'était juste la pour. La disquette ça. 1, c'est que la cinématique, quoi. Tellement elle est abusée. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet intro, on voit le Beast Lord, en fait, se transformer en créature. Magnifique. Volante. Voilà, volante, pour aller kidnapper donc, la petite sœur, si je me souviens. Oui, c'est ça, du héros. Du héros qui est encore un nourrisson. Et donc, en fait, il perce le toit de la maison familiale. Qui est une sorte, avec une main géante. Voilà, qui est une sorte de vieille maison en pierre dans une. Mais elle est toute seule dans une sorte de canyon froid. Ouais, ça, c'est très glauque. Pour ceux qui aiment bien les planètes, on dirait Encelade. En tout cas, c'est très glauque. Ou alors, moi, ça me faisait penser à une sorte de vieille. Campagne de morose complètement mais abandonnée. sans végétation dans le nord de l'Angleterre, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, donc c'est très pesant, c'est très glauque, et donc il y a les hurlements du nourrisson, du bébé digitalisé, super bien fait. Voilà, on voit donc la main du monstre, donc qui arrive sur le berceau, qui prend le nourrisson et s'en va avec la mère qui essaie voilà la mère qui est complètement choquée et qui essaie de protéger. Voilà, mais voilà. Et du coup, alors, cette séquence-là, donc, c'était... Tout ça en dessin animé pixel art, quoi. Un des étés, donc, on jouait beaucoup au jeu. C'est vrai que... Et le tout sans musique, hein. Le tout sans musique. Pour plus de réalisme. Avec beaucoup de bruitage, enfin, le vent, etc. Voilà. La pluie et tout. La nature aride. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait cette intro... Donc, j'ai fait mon calcul quand j'ai vu la sortie du jeu. Je pense que tu avais 8 ans, à peu près. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on lançait le jeu, avant de pouvoir y jouer, t'allais te cacher dans la chambre. Ouais. Parce qu'elle me faisait pendant l'intro. Mais ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que... Et je me bouchais les elle oreilles. Est vraiment flippante. Moi, elle m'a fait peur. Et je la regarde toujours avec un... Ah, parce que ça t'a marqué, bah oui, c'est sûr. Une certaine appréhension, parce que j'ai fait beaucoup de cauchemars, quoi. À cause de cette intro. Quand on y pense... Sachant qu'au passage, le jeu en lui-même, hein, c'est genre, t'as l'impression de... C'est genre un action RPG en vue de profil dans l'univers de Silent Hill, hein. Ah oui, le monde est hyper glauquissime. Hein. Heroic Fantasy Silent Hill. le monde est hyper glauque. C'est simple, tout le monde est mort, ou le peu qui reste, ils sont tous estropiés avec des furoncles, un œil en moins. Ouais, c'est clair. À moitié à poil. Moi, je me souviens de ce sympathique aubergiste vers le bas à gauche de la map qui t'accueille. Ah d'ailleurs, auberge, alors, c'est l'emplacement d'auberge le plus pourri du monde, parce que pour y accéder, il faut traverser un lac d'acide. avec des putains de gros guerriers qui veulent pas te laisser passer. Sans tête, le mec il devait faire aller 1 euro de chiffre d'affaires par jour, quoi. Oui, ben, tu comprends qu'il a le terrain et la construction a pas du coup bien cher, quoi, tu vois. Mais... une livre symbolique, on vous donne le terrain. Tes seuls clients, c'est des monstres, c'est des mecs sans tête avec des épées géantes, tu sais. Enfin, le monde de Beast 2, il est incohérent de A à Z, mais c'est ça qui fait son charme, quoi. C'est, t'as l'impression d'être dans... Bah, t'as l'impression d'être dans un cauchemar. Par contre, quand, tu vois, enfin moi, c'est mon avis après, hein. C'est vrai qu'on critiquait un peu le manque d'envergure de gameplay du 1. Bon, sauf que le 1, ce qui peut te faire planter... Au-delà de la difficulté quasi insurmontable, hein. Voilà. Ouais. Moi, j'ai réussi à le finir qu'une fois sans tricher, aussi, c'était ouf. Mais... Et moi, c'est assez récent, ça fait moins de 10 ans. C'était à l'époque, et je pense qu'on a dû m'entendre crier dans tout Aubervilliers, mais le truc, c'est que je trouve que le 2, il est beaucoup plus injuste parce qu'il est toujours très très dur. Tu peux pas le faire sans Solus. Tu peux pas le faire sans Solus, ouais. C'est impossible. Parfois, tu vas passer une heure à récolter tout. Plein de choses, t'es content, tu vas te coincer dans un endroit. Il y a un endroit où tu peux être coincé, je me souviens, avec une trappe et un monstre et un espèce de chandelier qui remonte, enfin... Non, mais en fait, t'es coincé si t'as l'énergie infinie, hein. Parce que si t'as pas l'énergie infinie, il te one-shot le monstre. Oui, et puis Mais oui, par contre, c'est vrai que c'est un endroit, c'est très loin dans le jeu. Tu peux on va dire que c'est le dernier tiers du jeu, et si tu tombes dans ce trou-là, c'est one-shot. T'es mort, définitivement, donc, pour commencer le jeu, quoi. C'est vraiment, pour moi, il est beaucoup plus injuste que le 1, finalement, là-dessus. Oui. Non, mais le Beast, qui a un game design, pour moi, parfait, c'est le 3. Il est vraiment... Bon, après, on va pas rentrer dans le détail, non. Parce que je pense qu'on fera un podcast sur l'Amiga. Donc, ouais. Mais pour moi, c'est le meilleur épisode. Avec le recul, hein, et puis aussi avec une vision peut-être un peu plus professionnelle. Ah non, mais pour moi, c'est en termes de game design, c'est le meilleur, effectivement, c'est le 3. Et encore maintenant, il a un très bon game design. Après, moi, dans mon cœur, le 1 restera toujours au-dessus par rapport à l'impact. Bah... Et même encore maintenant, ouais. Juste pour le plaisir des sens, le 1, pour moi, est toujours supérieur. Après, le 3, il y a des niveaux qui m'ont, au niveau de l'ambiance, qui m'ont déçu. Et il y en a d'autres qui m'ont hyper marqué, comme le niveau de forêt que j'adore... C'est le premier. Qui est génialissime. Enfin bref. Ah non, mais celui-là, il est incroyable. La musique et tout. Enfin bon. Et puis, en plus, le héros, il lance des shurikens, non, rien que pour ça. Son arme de base. Son arme de base, c'est le shuriken. Et je trouvais que c'était une idée trop géniale. C'est clair. Des shurikens boomerang. Ouais, en plus, oui. C'est très original. Hein. L'effet et tout. Enfin bref. Les mecs, c'était surtout des graphistes et des musiciens de folie. Enfin voilà. Donc du coup, on va passer à un gros, gros, gros morceau. Enfin, de toute façon, on a que des gros morceaux depuis le début. On a combien, là? On a combien de podcasts, hein? Bah, écoute, là, je pense qu'on est à 1h15. Ouais. À peu près. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que... Mario World. On fasse sauter... moi, je ferais sauter Mario Kart 64, parce qu'on n'aura pas le temps. Ouais, bon, après, Mario Kart 64, il y en a pour 5 minutes, hein. Vraiment. Ouais, mais on dit ça à chaque fois, tu sais. Et puis après. Non, mais là, vraiment, je te le fais tout de suite. C'est surtout les souvenirs de vacances avec nous, avec notre cousin et notre cousine. Ouais, ouais. Là, on tapait, parce qu'en fait, on était voisins. Donc, nous, on tapait sur le mur de notre chambre. Ça donnait chez eux. Ça veut dire, vas-y, viens, j'allume la 64. Ils arrivaient et c'était après me tournoi ouais, ouais, Mario c'est Kart. Vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout. Mario Kart, c'est donc très bon souvenir de jeunesse. Donc, ah bah c'est bon pour Mario Kart, t'as fini alors du coup. Ouais, yes. Ah d'accord, je croyais qu'on parlait en off là en fait. D'accord, ok. Eh non, non, on parle pas du tout en off. D'accord. Y a pas besoin de dire grand chose, hein. Voilà, c'est tout quoi. Bah, si ce n'est que c'était le fait de pouvoir aussi connecter 4 manettes sur la console, ça c'était génial. C'est pour ça qu'il était encore plus convivial que le premier qui était déjà extraordinaire. Et même si le mode battle, on n'a jamais retrouvé un mode battle comme le 1, Mario Kart 64, quand les grands prix. Qu'on se faisait à 4 et tout, enfin, c'était génial quoi. C'était génial. Si. Heureusement qu'on avait une grande télé, ceci dit. Ouais, c'est clair, parce que sur une petite. Ah bah tu voyais plus grand chose, mais. Le niveau de l'autoroute là sur un petit écran, c'est. Alors tu sais que celui-là, alors tu vois, bon, mais là c'est ma faute, hein, mais je prends une minute encore de plus, mais sur la version donc Wii U de Mario Kart 8. Dans les, moi, je suis très friand des circuits rétro qui remasterisent, tu vois, pour parler bien français. Ouais. Et donc, dans ceux qu'ils ont remasterisé, t'as la fameuse autoroute Toad, donc de Mario Kart 64. Et c'est juste génial, quoi. De l'avoir en HD, redessiné tout, c'est un bonheur parce que j'imagine c'est magnifique. Donc, on va passer à Zelda Link's Awakening. Donc le Zelda sur Game Boy, monument Zeldesque. Pour moi, il mérite un podcast à lui tout seul. C'est un Zelda qui a une histoire tellement particulière qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, c'est sûr. Bah, moi, c'est mon préféré. Alors moi, voilà, comme toujours, il y a toujours le débat, Zelda Game Boy, Zelda 3. Bon, moi, je mets toujours Zelda 3 au-dessus. Moi, c'est celui que je préfère. Maintenant, au niveau pragmatique, c'est vrai que bon, les deux jeux, bon voilà, bah, ils sont juste hallucinants. Et du coup, quelle magique. Qu'est-ce qu'il est, le souvenir que j'ai, c'est qu'on l'avait acheté justement avant les vacances d'été et que cet été-là, contrairement à pas mal, quasiment aux 3/4 des étés qu'on passait donc en Italie, là on avait fait l'aller en train. Alors que d'habitude on partait en voiture avec notre père qui conduisait. En wagon lit. Et donc j'ai souvenir de jouer à Zelda donc dans le train puis après dans notre chambre en Italie. Avec cet accessoire que tout le monde a moqué, mais pour jouer à Zelda, pour moi, c'était indispensable. Sauvé. C'était la loupe et la petite calculatrice. Alors, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais le Light Boy ou je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais il y avait de la grosse loupe, la petite lumière. Alors, c'est vrai qu'elle faisait un peu moins portable, même si la Game Boy, faut pas non plus se mentir, elle avait déjà une taille hallucinante, même pour une console portable à l'époque. Donc, ce petit accessoire en plus, c'était pas non plus, c'était pas la mort. Et puis voilà, bah quel bonheur. J'ai des souvenirs, moi, en train de jouer à Zelda dans le train en pleine nuit, dans notre chambre en pleine nuit. C'était. Je trouve que c'est un jeu qui est déjà absolument exceptionnel. Ça lui a donné un sel. Le goût de l'aventure, la nuit, tu vois, dans ton lit en train d'y jouer, ça donnait vraiment. Ça lui donnait un sel encore en plus, je trouve. Enfin voilà, quoi. Bon, c'est un souvenir très fort de vacances d'été, quoi. Ah bah oui, alors là, moi aussi, hein, c'est vacances d'été, puis même souvenirs de joueurs, tout simplement, la carte, tous les petits secrets, on va pas rentrer dans les détails, parce que ça va être un podcast Zelda, et je vais essayer de me contenir, parce que sinon je pourrais en parler des heures, mais j'avais l'impression d'être dans un monde, quoi, vraiment dans un autre monde, dans un petit écran, ça fait partie des meilleures vacances que j'ai passées. Mais t'imagines même pour l'époque, se dire qu'on pouvait avoir un jeu comme ça sur Game Boy, c'est hallucinant, parce que il mettait à l'amende tant et tant de jeux sur console de salon, tu l'avais dans la poche, quoi. Bon, il fallait avoir des grandes poches, mais tu l'avais dans la poche. Et ce sentiment de vivre un des plus grands moments de l'histoire du jeu vidéo dans tes mains. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Après Zelda 3, absolument magistral, on pouvait pas imaginer un Zelda de cette qualité sur Game Boy. Ah non. C'était inimaginable. Sur Game Boy, un peu. Avec une map plus grande que Zelda 3, parce que la map est plus grande. On avait un peu la vision n'est pas complètement sur Game Boy. Sur Game Boy, t'avais des petites versions inférieures. C'était un peu ça l'état d'esprit. Ouais, quoi. Voilà. Mais pas ça, quoi. C'était hallucinant. Et surtout que ce Zelda, enfin bon, il a une histoire vraiment très intéressante. C'est Zelda le plus dingue qui a été fait, le plus débridé. Le plus drôle. Le plus drôle. Beaucoup d'humour. Laisse tomber, t'as plein de vannes et tout. Et peu de gens s'en souviennent, parce que ça, j'aime le rappeler, c'est que. L'apparition du hibou. Il y a plein de choses en fait qu'on retrouve dans Ocarina of Time. Et bah, l'Ocarina il est aussi dans Zelda 3, je dis. Mais voilà, il y a beaucoup. Mais là, il y a vraiment les mélodies. C'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on trouve maintenant dans les Zelda jusqu'à maintenant moderne où tout s'est passé entre Zelda 3 et Link's Awakening. C'est-à-dire que dans Link's Awakening, effectivement, tu joues l'Ocarina. Dans Zelda 3, il t'aide à te téléporter. Mais là, tu apprends carrément les mélodies. Mais c'est un jeu qui a énormément marqué et on en trouve encore beaucoup de clins d'œil. L'un des derniers grands succès du jeu indé. Le système de truck et tout. Oui, bah ça qui a été repris maintes et maintes fois. Moi, je sais que par exemple, Shovel Knight, qui est l'un des derniers gros succès indé, t'as carrément une scène hommage totale. D'ailleurs, sur mon Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est dans les vidéos, je l'avais carrément uploadé tellement. J'avais trop kiffé, quoi. T'as une scène hommage où t'arrives avec ton... C'est juste une scène, hein. C'est un point sur la carte, t'arrives, tu te pointes devant un poisson géant, tu parles un peu avec lui, et il te fait une sorte de concert avec ses petits amis poissons, et c'est exactement, vue de profil, ce que tu vois en vue aérienne dans une des scènes célèbres de Link's Awakening. Bah, d'ailleurs, c'est la même chanson pour se téléporter, d'ailleurs, je crois. Et le poisson a quasiment la même gueule. Dans Shovel Knight. Enfin, c'est vraiment un hommage total C'est Samba, je sais pas quoi le nom. C'est genre une Samba en fait. Parce que même les musiques pour une Game Boy. Ça fait partie des meilleurs. Mon Dieu. Moi c'est dans mon iPhone. C'est très. Et surtout, non seulement ce qui est très fort dans Zelda. Après on va arrêter sinon on va faire une heure. C'est que il a de l'humour. Et en même temps, il est très, très, très épique. Et en même temps, il est mélancolique à souhait, en plus. Ouais. Enfin, vraiment. Et puis la fin, laisse tomber. Donc, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un grand souvenir de vacances. Mais en plus, l'île du poisson rêve, tout ça. Tout vraiment, les planètes étaient alignées pour que ce soit un jeu de vacances parfait. Ouais, c'est clair. En jeu de vacances parfait, je vais parler de mon beau Super Mario World. Best. Je vais te laisser d'en parler. Platformer game ever. Donc, en fait, c'est très simple. Bon, je crois que c'est le jeu de plateforme préféré de Romain aussi, le développeur de la société. Avait pas mal parlé quand. On s'en est vachement inspiré pour Final Fantasy. Super Mario World, pour moi, voilà. Je sais que ceux qui me suivent un peu, c'est pas de l'ego, hein, mais ceux qui me suivent un petit peu doivent se dire putain, il va encore nous saouler avec. Et puis, je vais encore vous saouler après avec un autre jeu, avec lequel je vous saoule souvent aussi. Mais Super Mario World, pour moi, voilà, c'est le jeu de plateforme à son apogée. C'est le meilleur Mario, c'est de la magie. Je le refais au moins une fois tous les ans. Enfin, voilà. Et du coup, Mario World, en fait, la première fois que je l'ai découvert, alors. C'était chez un bon copain à moi, Mickaël, que j'arrive pas à retrouver sur Facebook. À chaque fois, je peux passer un appel. Mickaël, si par hasard tu tombes sur ce podcast, recontacte-moi parce que j'aimerais bien te recontacter. J'arrive pas à te retrouver parce que Il était cool. Ouais, je vais pas balancer un blast comme ça, mais le nom de famille, je vais pas le dire. Voilà, mais il a un nom de famille tellement courant que pour le retrouver, c'est. C'est impossible. Donc, il y en a 50. Enfin, voilà, il y a la moitié de la France qui a ce nom-là. Et donc, du coup. Lui avait eu, je dis pas la chance parce que il avait une situation un peu particulière, mais en tout cas, il avait eu quel privilège d'avoir une Super Famicom en import. Ce qui, moi, ça me faisait halluciner. Et du coup, j'allais souvent chez lui jouer à la Super Famicom bien avant qu'elle sorte en France. Et donc, c'est chez lui la première fois que j'ai vu Super Mario World. Je suis tombé. C'est la crise cardiaque. Voilà, je suis tombé comme un fou. Et du coup, j'ai joué un petit peu chez lui. Et le jour où la Super NES est arrivée officiellement en France, on l'attendait. Et au tout début des vacances d'été, je crois que c'était sorti quelques mois avant, vers le mois de mai ou peut-être le mois de juin, je ne sais plus. Nos parents nous offrent la Super Nintendo. Tu te souviens qu'ils avaient fait genre, ils en avaient pas. Exactement. Et pourtant, alors, Genre, vas-y, va aider papa, je crois, à décharger le coffre et tout. Puis il y avait la Super Famicom. Voilà, enfin la Super Nintendo. Super Nintendo, pardon. Et ouais. Dieu sait que nos parents roulaient pas sur l'or. Mais c'est vrai qu'ils saignaient pour nous faire plaisir à chaque fois. Ouais, ça, c'était clair, vraiment génial. On sera jamais assez reconnaissant pour ça. Et du coup. Bon, après, on mangeait jamais. Oui, voilà, voilà. On pesait 10 kilos, même à la majorité. Mais... on têtait des cailloux. Mais par contre, on avait. On léchait des crapauds devant les mares et tout. Et donc, du coup. Et donc, Mario World était en bundle dans la console. Et je garde toujours victorieusement la dock du jeu que j'ai toujours et la console que j'ai toujours. Donc, j'ai fait customiser en console FF6 entre temps, mais voilà. Et donc, du coup, bref. L'été, on était avec nos grands-parents à la campagne, dans le nord, et du coup, alors là, j'ai fait mon geek, mais mon fucking geek, c'est que j'ai pas beaucoup mis le nez dehors, avec tous les gamins qui jouaient, il y avait des filles de mon âge qui étaient là, qui étaient en plus pas moches du tout, mais je vais vous dire, mais franchement... Sérieux, à Villers ? Oui, il y en avait une. Bon, là, on va pas. C'est peut-être pas le moment, là, ni le contexte, mais je te dirais ça en off. Mais si, une. Qui était parisienne aussi, mais qui venait... Moi, je me souviens des petits, là. Mais si, j'étais pote avec son frère. Oh putain, bon, je me souviens pas. Qui s'appelait Olivier, d'ailleurs. Bref, et du coup, on vous a dit, dans ce podcast, c'est à la bonne franquette, c'est comme si vous étiez à la maison. Voilà, on se censure pas du tout. Et du coup, voilà, et... Je sais que les années précédentes, j'adorais jouer avec cette fille-là, en tout bien tout honneur. Hein. On était potes et tout. Bien joué à Super Mario World. J'ai des champignons pour toi. Et du coup, et Mario World, je l'avais pour moi. Moi qui, en attendant de l'avoir, avais regardé au moins 5000 fois. Je feuilletais en boucle le test dans Console Plus, parce que même si j'étais plus Joypad... Ouais, je me souviens de ce test. Je me souviens surtout du test de Console Plus, que Console Plus, ce qui était bien, c'est que les tests étaient vraiment sur de très nombreuses pages avec des énormes screenshots. Je regardais les screenshots, et j'étais là, j'ai hâte de visiter là, d'aller d'essayer de trouver des passages secrets ici, machin. Enfin, j'étais comme un ouf, je feuilletais le truc, mais en boucle. Et quand j'ai eu le jeu, voilà, je vais pas me répéter, vous connaissez mon amour pour ce jeu, c'était au-delà de mes espérances en termes de plaisir. Oui, c'est ça, ouais. C'était la première fois que dans un jeu, je me prenais pour un explorateur. J'avais vraiment l'impression d'explorer une contrée magique et vraiment que tout était possible, en fait. Parce que Mario World, il faut rappeler brièvement que c'est limite... Un peu comme Zelda Link's Awakening, qui était à la base pensé un peu comme une parodie de Zelda 3, tellement ils allaient loin. Mario World, c'est presque une parodie du style Mario, tellement ils vont loin. C'est-à-dire qu'un passage secret peut cacher un autre passage secret. Qui peut cacher qui encore peut passer un autre. Encore qui un peut autre. Cacher un pan de map. T'as la carte qui débloque plein de trucs spéciaux. T'as l'apparition des Ghost House. T'avais des jeux dans le jeu. Enfin, c'était... T'avais des châteaux, mais t'avais carrément des sous-châteaux. Voilà, mais pour ceux... Non, c'était pour celui délire, qui aimait l'exploration, les effets de surprise et qui était curieux, c'était juste le paradis. Voilà. Donc du coup, j'ai passé tout. À pas remettre ça en question. Mais en fait, on y a tellement joué que je sais pas si tu te souviens que quand on allait se coucher, on entendait le bruit des pièces. Oui. On entendait. Moi, en tout cas, moi, dans ma tête, j'entendais encore le bruit des pièces. Et c'est un de ces jeux magiques, comme FF6, dont on va parler après, où parfois X années après, tu peux découvrir. Je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, j'ai posté une vidéo où j'ai découvert par hasard, dans un château, tu sais, celui qui commence dans des couloirs très très resserrés, et derrière, en fond, c'est genre des pierres de lave. Oui, avec plein... les boules voilà. Qui tournent, là, et les fantômes qui avancent. Et j'ai trouvé un raccourci, ici, que je ne connaissais pas, qui est impossible à trouver. C'est-à-dire qu'au-dessus, t'as... Ouais, le mur transparent. T'as un bloc au plafond transparent... Ouais, tu peux pas le remarquer, c'est impossible. Et par hasard, un jour, je sais pas pourquoi là, parce qu'en général, quand on connaît un jeu par cœur, on a tendance dans les niveaux à faire la même chose. Parce que quand tu fais un truc qui marche et que tu te fais pas toucher, que tu arrives à passer le danger, bon bah, t'as tendance à refaire pareil. Faudrait être con pour dire non, tiens, je vais me planter là, comme ça, je vais perdre une vie. Bah là, je sais pas pourquoi, j'ai sauté là à ce moment-là et j'ai traversé le mur, raccourci machin. Je fais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que je connais les 96 sorties par cœur. Enfin voilà. Enfin bref. Donc, et d'ailleurs, petite parenthèse, la conversion GBA que je voyais d'un très mauvais œil. Je l'ai eu il y a quelques mois en fait. Je l'ai eu il y a quelques mois parce que j'ai racheté une GBA et puis j'avais envie de faire les Mario et sans passer par mes écrans, etc. Mon PC ou ma Super NES pour les transports en fait, tu sais, pour mes voyages sur Paris pour le boulot. Donc je l'ai pris puis je l'ai fait sans trop conviction et à ma grande surprise, c'est une excellente conversion. Ils ont rajouté plein de trucs, des cutscenes, des bonus, même dans les niveaux, ils ont rajouté des petits trucs en fait, genre des bonus stages et des nouveaux passages secrets. Je dis pas, mais il y a une petite surprise à la fin du jeu aussi, quand tu refais le pseudo New Game Plus en fait, quand tu fais les 96 sorties. Donc voilà, à faire. Bah, la GBA, le repoussoir, c'est comme pour la version d'FF6 qu'elle a eu, c'est le chip sonore quoi, qui massacre en fait les classiques. Ouais, c'est un des jeux où ça se ressent loin. Bah écoute, oui, parce que déjà la bande son de Mario World qui est extraordinaire, hein, comme elle a un style minimaliste. Elle n'utilise pas trop, tu sais, tous ces effets de reverb qu'elle a sur la Super NES. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais par contre, ouais, c'est sûr que des RPG genre FF6, bon, voilà, les musiques. Bah tu vois, le générique de fin de Mario World me tire toujours l'alarme. Ouais, ouais. Beau. Je sais que bon, sur GBA, ça aura peut-être pas le même impact. Et puis, moi, je pense que cette version-là, je la ferai un jour. Parce qu'il faut la faire, je pense. Il y a plein de trucs, franchement, tu kifferais. Hein. Mais quand je me refais le jeu, j'ai toujours gardé ma cathodique, j'ai ma cartouche. J'aime bien ouais, mais même, refais-le, voilà. Refais-le sur GBA, bon, tu verras. Je le ferai. Et du mais coup, ne le fais pas en émulateur, le fais vraiment sur la GBA. Oui. Ah bah, il faut que je pêche une cartouche, du coup. Mais ouais, bah, il coûte rien. Je l'ai trouvé à 2 euros, je crois. Ouais, faudrait que je retrouve. En version anglaise. Et ah donc, non, je l'ai en Jap, d'ailleurs. Bref. On va traiter du tout dernier de notre liste. Ouais. qui est Final Fantasy VI. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce qu'on n'a pas je pense qu'on n'a pas la même anecdote en fait. Parce que moi, je me souviens d'un été en particulier. Et toi, c'est sur ton anecdote concerne la version américaine du jeu. Oui. Moi, c'était donc dans les vacances, pendant nos vacances, des vacances d'été dans l'Aisne. Il n'y a pas un moment... Je crois que t'étais pas là, en fait. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'étais tout seul. Et en fait, je passais mon temps à jouer, quoi. Tu vois ? J'ai fait que ça. Et je jouais à FF6. D'ailleurs, il y a notre grand-mère qui disait « Ah, elles sont bien, les musiques et tout », je me souviens, bref. Et en fait, c'était une sauvegarde où... On était à deux dessus, je me souviens, une sauvegarde qu'on faisait tous les deux. C'était à la fin du jeu, on avait tous les persos, on avait les persos cachés, etc. Et en fait, je faisais ce que j'ai fait plus tard, un peu plus grand, un peu plus vieux, quand j'avais joué à FF7. Et ce que j'avais fait avec mon cousin, c'est qu'en gros, comme le jeu, on avait tout fait dedans, on avait tout, tu sais, toutes les matériaux, etc. On se faisait des fausses quêtes, en fait. Genre, vas-y, on va acheter tous les items du jeu, tous à 99, ou des conneries comme ça, tu vois. Et en fait, là, j'avais fait enfin, c'est ce que je faisais tout seul. Et en gros, là, ma mission, c'était de faire monter tous les persos au niveau 99. Tu vois. Et en gros, pour ceux qui ont fait le jeu, tout en haut à droite de la seconde map, il y a une petite forêt, c'est la forêt vraiment XP du jeu, où tu as des tyrannosaures et des brachiosaures. Hein, qui apparaissent. Ah ben ce spot-là, il est exceptionnel. Voilà. Pour faire et avec les expériences egg, tu sais, voilà la technique de tu prends que deux persos, tu prends un super balèze. On l'a tous fait ça. Avec le offering et le Genji Glove, tu vois, comme ça tu peux mettre deux épées, puis le perso il attaque 8 fois, tu vois. Vu qu'il a deux épées et qu'il attaque 4 fois par épée, du coup il défonce le tyrannosaure facilement, les tyrannosaures facilement et le brachiosaure quand tu tombes dessus. Et l'autre perso, tu lui mets l'expérience X, tous les trucs au max, les reliques qui permettent de contrer les magies, etc. Et du coup, il monte très vite en XP, mais c'est un peu long à faire, tu vois. Et je me souviens de cet été où j'avais réussi donc à monter tous les persos, même les persos chiants genre Umaro là, c'est le Yeti que personne prend là. Ah ouais, pourtant lui il est hyper puissant quand tu le montes bien. Ouais ouais, je sais bien, mais et le dernier ça, que j'avais monté. Oui ouais, les sauvegardes effacées. Oh, mais bon bref, je me souviens voilà quand j'avais monté Umaro 99, c'était le dernier perso que je pose la manette et je me dis putain, j'avais l'impression. Tu sais, quand t'es petit, tu te rends pas compte, mais t'as l'impression, tu sais, pour moi, j'étais le seul en France, quoi, tu vois, avec une sauvegarde FF6 avec tous les persos niveau 99, il y a une fierté, tu vois. Mais ça, c'était avant l'ère Internet, parce qu'on avait l'impression d'être... En fait, moi, Internet, ça m'a fait, pour plein de jeux, j'ai découvert que finalement, j'étais pas si fort que ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est clair. Et c'était à l'époque où on achetait à Junku à Paris, les guides Jap, c'est des jeux avec tous les petits dessins dedans, tous les petits screenshots, les petits plans, c'est des. Je l'ai encore celui d'FF6. Et celui d'FF4 aussi. Ouais. Voilà, moi, mon grand souvenir d'enfance sur FF6, c'est surtout ça, quoi. Bah moi, c'est un souvenir d'adolescence, en fait, d'adolescent. Puisque toujours ce fameux Mickaël, là, donc c'est lui qui m'a fait découvrir les RPG, en fait, japonais, les JRPG. Ouais. Parce que nous, on avait une culture micro, donc on les connaissait pas. Et c'est vrai qu'en premier lieu, j'avais découvert chez lui Phantasy Star 2, dont la musique de la première ville m'a toujours autant. Enfin, à l'époque, elle m'avait marqué. Et c'est fou comment cette musique-là m'a marqué. Enfin, bref, c'est une parenthèse. Et surtout, à un moment donné, je jouais FF6 en japonais, quand il venait de sortir, en fait, en Jap. Ouais. Et là, je vois les visuels, je vois les musiques, je vois. Tu sais, le Shock Beast X années après, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, mais techniquement, il était très, très, très en avance sur les jeux qui avaient sur Super NES. C'était le choc. Avant d'y jouer, choc émotionnel, choc artistique, quoi. Vraiment, je suis. Je tombe des nues, quoi. Voilà. Et du coup. Qui n'est pas tombé des nues? Tu te souviens du test dans c'est Console Plus encore? Je crois qu'il y avait 99%, un truc comme ça, je sais plus, ou 98%. De toute façon, c'est. Il a marqué tellement de monde, ce jeu. FF6, pour moi, c'est. Voilà. C'est. Moi, c'est celui qui m'a fait vraiment, définitivement aimer les RPG. Moi, comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. Mais moi, il y a des jeux que je trouve parfaits. Où je ne changerai pas un iota. Il y a Mario World. Il y a FF6. Ouais, pareil. Turrican 2. Il y en a quelques autres. On ne va pas tous les dire. Mais pour moi, c'est un jeu absolument parfait. Et du coup, avant de savoir que l'intérêt du jeu était à la hauteur de son emballage, ce premier choc vraiment boum, visuel et sonore. J'ai mis, quand t'arrives sur Narche. Qu'est-ce que c'est que ces musiques? Ces musiques de l'espace, j'ai jamais entendu des musiques aussi belles. Moi non plus. Et quand je dis jamais entendu, je parle tous médias confondus. Hein. J'étais là, je fais qu'est-ce que c'est que ces musiques? Et puis visuellement, c'était. Mais l'ambiance, c'est quand t'as les Magitech. Moi, par contre, chez ton pote là, Mickaël, moi je me souviens quand la scène avec les Magitech de dos. Ça, ah bah l'opening, ouais. Ouais. Ah mais de toute façon déjà là, à mon avis, tu sais, il y a des tests comme ça où tu vois si les gens ont un cœur de pierre ou pas. Tu mets quelqu'un devant l'opening, je veux dire, si ça le laisse de marbre, je veux dire merde. Après t'as le droit de pas aimer le genre, t'as le droit de pas aimer le RPG, tout ce que tu veux. Ouais, mais rester vraiment froid devant enfin, une scène comme ça, c'est. Le thème de Tina, je dis bien Tina pas Terra, le thème de Tina. Oui, c'est vrai que c'est Terra. Ah bah maintenant, de toute façon, pour tout le monde, c'est Terra, alors qu'à la base... Putain, c'est... mais moi, j'ai toujours dit Tina, quoi. Ah, mais moi aussi. Mais pour tout le monde, c'est Terra, quoi. Bon, ouais. C'est vrai que dans la traduction... Bah, le vrai nom, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est, elle s'appelle Tina. Hein. C'est voilà. Comme Saba, hein, c'est Mash. Exactement. Sian, c'est Cayenne. Ouais. Je sais plus, Hugo, non, les autres. C'est Kafka. Quoi? Barjabul, c'est Kafka. Gargamel. Gargamelos. Gargamelou. Et fais-moi un petit Gargamel avec la voix Jap. Gargamel. Et du coup, tu le fais vraiment mieux que moi, ça, c'est incroyable. Et du coup, ouais, voilà. Et donc, Mickaël, très sympa. Ouais. Écoute, c'est ouf quand même. Un été, il me prête. Ah oui. Il me prête FF6. Avec la su. Non, non, on l'avait la super. Alors, moi, j'avais l'adaptateur. Ah, R2, là, je sais pas quoi, voilà. R4, moi, je sais plus quoi. Et du coup, il me le prête, et il est sympa, il me met sur des feuilles de papier, parce que c'était en japonais, plein de scènes où tu es obligé de savoir ce qu'il faut faire, sinon tu passes pas, quoi. Voilà. Il faut savoir un petit peu ce qui est dit à l'écran. Ouais. Et donc, à mon avis, il avait dû galérer, lui, soit sur Minitel, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, soit sur les forums, sur Minitel, ou sur des magazines, il a dû choper les trucs, hein. Se renseigner voilà, là-dessus. Et je fais FF6 en Jap. Donc je ne comprends quasiment rien à l'histoire. Mais. Ouais, mais on se faisait notre histoire c'est, dans la tête. Ces petits personnages de pixels avaient tellement plus d'émotions. Je te regardais jouer, je me souviens. Ils dégageaient tellement d'émotions, ces personnages. Ouais. C'était tellement bien animé. Que, en fait, ils étaient tellement crédibles, et pour moi, ils le sont toujours, que, en fait, tu essayais de deviner, tu te faisais ton histoire. Bon, après, le triple choc, c'était d'avoir découvert vraiment l'histoire dans la version US. Ouais. Voilà, on a acheté après. Où il y a une belle anecdote, mais ça, ce sera pour les anecdotes de fin d'année. Je la garde sous le coude. mais voilà, et ça a été un... C'est là vraiment que l'histoire d'amour avec FF6 a commencé. Et voilà, et je me suis aperçu que... Eh ben, même en japonais, en fait, il était... tous les items en japonais et tout, puis c'était sur adaptateur, c'est-à-dire que tu pouvais pas... Il y avait des écrans qui étaient noirs. Il y avait des écrans qui étaient noirs quand t'allais dans certains menus. Ouais. Tu n'avais pas la fin complète, c'est pour ça qu'après j'ai fait modifier ma... À partir de Shadow, t'as pas... Voilà. Et déjà là, je me suis dit, mais la scène avec Shadow dans la fin, parce que sinon les gens vont rien comprendre dans ce que je suis en train de dire. À la fin, t'as pas la fin entière, quoi. Et voilà, en plus, on voit chaque perso faire un truc, et quand ça arrive à Shadow, ça coupe en fait. Je pense qu'à l'époque, ça devait être la fin la plus longue, ou en tout cas l'une des plus longues jamais vues, parce que je crois qu'elle va faire au moins 20 minutes. Elle fait 20 minutes à peu près, ouais. Voilà. Et du coup, voilà, ça a été vraiment un choc, et c'est des chocs vraiment qui n'oublient pas et qui façonnent notre histoire de joueur. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et donc, après, avec la version US, voilà, on a découvert le scénario, puis finalement, on a encore plus aimé le jeu. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est, mine de rien, voilà, ça fait un. C'est marrant parce qu'on a, on a une anecdote estivale, en fait, chacun, sur FF6. C'est ça, on n'a pas la même. Mais... Donc, c'est assez cool. On va conclure, je pense. Je pense qu'on arrive à la fin, là, ouais, de cette émission spéciale été. Avant d'arriver à la dernière rubrique, car vous savez que... Alors, j'ai oublié de le préciser lors de l'épisode précédent. La tracklist. Et je m'en excuse. Donc, à la fin de chaque émission, moi et Julien, on vous propose un morceau, en fait, de notre choix, une mélodie de jeu vidéo pour constituer à terme la playlist ultime de Game Music. Sur notre blog, donc brocastblog.wordpress.com, allez-y, ça nous fera plaisir déjà si vous nous laissez des commentaires. J'ai fait une page dédiée où je liste en fait tous les morceaux qu'on balance. Donc comme ça, ça permet d'avoir un résumé de tous les morceaux. Puis quitte à créer une playlist, autant faire une liste de ces tracks-là, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, la page a été créée. N'hésitez pas donc à partager si vous aimez ce podcast, partagez en masse, laissez-nous des petites étoiles sur iTunes, ça nous fera très plaisir, voilà, histoire qu'on se fasse un petit peu voir. Et du coup, j'allais dire la semaine dernière, le numéro précédent, enfin oui, ça fait une semaine à peu près, c'est moi qui avais choisi donc le thème des boss de Kirby sur Wii U. Yep. Donc cette semaine, c'est Juju qui balance son morceau, son. Alors, balance le son, papa. Bah, en fait, vu qu'on parle de FF6, ça va être. Alors, c'est le thème de Tina qu'on retrouve sur la première carte du jeu, dans le World of Light, là. Si je me souviens bien, je sais plus comment ils appellent ça, de FF6. C'était écrit sur la grande carte qu'il y avait dans la boîte US. Bref, t'avais celui-là. Ouais, c'est quand tu. Et le World of Doom derrière, tu te souviens? Eh, mais oui, alors c'est marrant, alors, juste, je suis obligé de faire une parenthèse. Parce que. Normalement, FF6, c'est moi qui devais balancer le son et je l'avais prévu depuis longtemps. Et en fait, je me suis dit, ceux qui me connaissent vont trouver ça trop prévisible que je balance du FF6. Donc, j'avais prévu de faire ça dans X semaines pour pas qu'on me dise, ça y est, ils n'ont saoulé FF6. Donc, je suis très content que ce soit toi qui l'aies choisi, du coup. D'accord. Donc, en fait, ce thème. Alors, attention. Oui, vas-y. Une version en particulier, moi, ça, c'est... Bon, quand je pense à FF6, je pense à cette musique. Hein. C'est quand même. Bah, de toute façon, je pense que pour tout le monde, c'est. Oui, toi, tu me parles de la version de la map. Non, et ben justement, moi c'est la version au début quand t'as les Magitech de 2. Ah, bah justement, je sais que t'as même parlé de la map. Oui, non. Oui. Et ben moi c'est cette version-là. Le générique, ouais, l'opening, quoi. Ouais, alors attention, la version de la carte elle est incroyable, hein, mais j'aimerais bien que tu mettes l'autre en fait. Celle quand t'arrives vraiment à Narche. Ouais. Moi j'arrive pas à les départager, donc du coup, moi je suis d'accord, y a aucun souci. Hein. Celle-là elle boucle pas, elle a vraiment une fin. Celle-là c'est vraiment. En plus, je sais pas si tu te souviens, enfin si tu te souviens, mais il y a le nom, tu sais, des développeurs, etc. à ce moment-là. En fait, on peut dire que c'est le générique de Final Fantasy VI, cette musique. Bien c'est sûr. Le générique. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand les Magitech avancent, enfin, t'as cette mélodie d'une mélancolie et d'une beauté absolue. Moi, je crois que si je devais. Là, tout de suite, on me dirait, tu gardes qu'un thème. De l'histoire des jeux vidéo. C'est celui-là qui sortira en premier. Alors, en fait, surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est que tu as des pincements de cordes de harpe. tu sais, ça fait tum, tum, tum, tum, tum. Et en fait, c'est un accord, c'est des accords pincés à la harpe qui donnent un effet même un peu électronique du coup dans cette version-là. Et ces pincements-là de cordes de harpe, tu l'as pas sur quand t'es sur la carte du jeu. Et en fait, c'est con, hein, mais c'est cette petite différence, qui fait que je préfère celle-là. Puis il y a la mise en scène aussi. Comme tu dis, il y a une fin, et quand la musique commence tout doucement à s'évaporer, tu vois le village de Narche au loin qui commence. Tu vois les lumières, ouais, les torches. Voilà, et c'est. Enfin bref. Voilà, pour moi, c'est vraiment. Cette musique, elle représente vraiment. Un peu comme une image peut représenter, tu sais, des fois tout un jeu, comme un screenshot, tu vois, que tu as sur un store. Ou... Ah bah tout FF6 est résumé dans ce thème-là. Voilà. Tout FF6, c'est, voilà, pour moi, c'est le résumé parfait de Final Fantasy. C'est ça, c'est épique, c'est mélancolique. C'est un RPG, on parle quand même d'identité de soi, on parle de suicide, on parle de perte de l'être aimé. Ah bah, y a plein de thèmes. On parle d'oppression, bien sûr. De perte de famille aussi. Oui, bien sûr. Il y a vraiment plein de thèmes assez dramatiques, assez graves, qui sont et très... Et pourtant, il y a plein de gags aussi. Enfin, bref. Il y a de l'humour, il y a de l'épique. Enfin, bref. En tout cas, ce sera cette musique. C'est le jeu de la vie. Ce sera celle-ci. Bah, écoute, très très bon choix, je suis content que tu l'aies pris avant moi, parce que moi, je te dis à chaque fois, dès le début, j'aurais balancé du FF6 ou ça, mais de toute façon, vous allez en entendre, voilà, du FF6. Oui, oui, oui, donc oui. Pas dans le numéro d'après, bien sûr, je vais être sérieux et consciencieux, je vais attendre quelques numéros, mais voilà, il y a quelques thèmes, donc celui de la forêt, enfin, etc. C'est obligé, je les balancerai. Mystic Forest. Voilà. Enfin, en clair, on pourrait balancer toute la BO, mais bon. Donc, on espère durer très longtemps pour balancer tous ces morceaux-là, ces morceaux complètement magiques. Bah, écoute, c'est très bien. Et ben, on va s'écouter tout de suite ce thème complètement cultissime. Et donc, bah, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On vous donne rendez-vous au prochain numéro où on va fêter l'anniversaire d'une certaine machine. Mais suspense, je ne vous en dis pas plus. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. À la base, c'était l'épisode qu'on devait faire là aujourd'hui, mais on voulait pas que ça fasse doublon. Enfin bref, voilà. Si vous n'avez pas encore compris, à mon avis, il y a un petit souci. Donc, on vous souhaite de bien vous amuser en vacances, de bien jouer. Ouais. Juju, je te dis à la prochaine émission. Bien manger surtout. Ouais, à la prochaine. Et puis, vivement à la prochaine, parce que moi, en tout cas, ça va parler d'une de mes consoles préférées. Bah, moi aussi. Et une console qu'on a même défendue à l'époque où tout le monde lui crachait dessus. Ouais, c'est clair. Et l'histoire, je pense, lui a donné raison. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc. C'est la GX4000. C'est une spéciale GX4000. L'épisode d'après, on fera une spéciale Jaguar. Et surtout, l'émission que j'attends, c'est qu'on fasse une spéciale Lynx. Ah oui. Oh là là. Non. Voilà. Non, appelle la gamette. La gameste. Non, c'est la gamette. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la gamette. Avec le nom, on se rend compte, gamette quand même. Oh putain. C'était plein de Game Boy, quoi. Avec Tetris, Mario. J'aimerais aussi qu'on fasse une émission spéciale sur les jeux LCD Tiger. Parce qu'il y avait des Street Fighter, il y avait des trucs là-dessus qui étaient. Ouais, mais c'était bien ça. Moi, à propos d'LCD, on s'en fout, on va faire un peu d'auto-promo. Tiens, tu m'y fais penser. Ouais. Storyboard a. On s'en fout, on fait un peu d'autres promos, on l'assume. A sorti une appli sympa, est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça s'appelle Retro Challenge. En gros, c'est une fausse plateforme de téléchargement de jeux. Alors, c'est pas du free to play, c'est plutôt du free to start, c'est-à-dire que le premier jeu est gratuit. Pour l'instant, il y a 4 jeux à l'intérieur. Et en gros, c'est des faux, entre guillemets, hein, Game & Watch. On a vraiment développé des jeux type Game & Watch, mais on a poussé le truc loin, hein, avec les mêmes contraintes de l'époque, c'est-à-dire les images ne peuvent même pas se superposer, les mêmes sons. En fait, vous avez dans votre téléphone des mini-consoles virtuelles, quand vous appuyez sur les boutons, ça fait même le bruit des jouets, quoi, tu vois, de l'époque. En gros, imaginez une gamme de Game & Watch, mais sur lequel on pourrait partager nos scores, donc sur Twitter et Facebook. Puis surtout, voilà, c'est genre, c'est 99 centimes, je crois, le jeu, sachant que le premier est gratos, quoi. Voilà. Donc, si ça marche bien... J'arrive dans une minute. Oui, j'ai le petit qui me réclame le goûter, excusez-moi. J'arrive dans une minute, Axel. Mais en fait, moi, mon ventre réclame le goûter aussi, hein, au passage, hein, j'ai l'écrou. Donc bref, pour terminer, En gros, voilà, si ça marche bien, si moi je m'y retrouve financièrement au niveau de la production du jeu, en fait, on va constamment rajouter des jeux. L'idée, c'est ça, c'est que tous les mois, etc., on va rajouter des nouveaux jeux. Voilà, de temps en temps, il y en aura des gratos, de temps en temps, ils seront quand même payants. Mais voilà, on va rajouter des Game & Watch, des Game & Watch, pour arriver à un terme à une sorte de catalogue virtuel de plein de Game & Watch. Limite, tu vois, moi, en voyant plus loin, j'aimerais bien même collaborer avec d'autres studios, tu vois, genre des studios qui me proposent des Game & Watch, des concepts, et puis on les développe en parallèle, tu vois, enfin, bref, voilà. Il y aura des choses intéressantes à faire, donc c'est disponible sur iOS et Android, hein, pour l'instant. C'est ça, voilà, et iOS et Android, c'est gratuit, le premier jeu à l'intérieur est gratuit, et ensuite, bah, les autres, faut les payer, hein. Mais tu peux les consulter quand même, tu vois, en plus, on a même fait les pochettes, tu sais, genre les pochettes en carton avec le jouet dedans, tu vois, comme si tu pouvais collectionner vraiment une gamme de jouets. Moi, je trouve qu'il y a quand même un scandale, c'est que c'est pas disponible sur Windows Phone. Windows quoi ? C'est quoi Windows Phone ? Eh ben écoute, vous voyez, quand il y en a plus, il y en a encore. Non, c'est vraiment sympa, donc voilà, je pense que ça peut être un challenge. Voilà, et puis en plus, on vous incite pas à mettre la main en porte-monnaie, puisque de toute façon, non, c'est gratuit. La première salve est gratuite, donc n'hésitez pas. Ouais. Et donc, bon, on s'écoute tout de suite ce thème magiquement cultissime et fabuleux. Du générique d'FF6, ça me fait très plaisir qu'on l'écoute. C'est le thème de la vie, on l'écoute tout de suite et donc on vous dit à bientôt. Prochain numéro. Ciao. Salut. Thank you.